couvre un peu plus sur l'autre aussi. Et puis Nathalie, merci Flavie une fois de plus pour l'émission du jour dans laquelle je me reconnais tout à fait. C'est vendredi, c'est le week-end et nous on se retrouve lundi pour parler des bienfaits de l'écriture. Coucher sur le papier nos mots, nos chagrins, nos joies immenses, transmettre aussi. Quand écrire nous aide à mieux nous connaître, ce sera lundi avec vous en direct dès 15h sur RTL. Mais d'ici là, je vous laisse avec Laurent Ruquier, les grosses têtes et toute l'équipe se joint à moi pour vous faire des... Des bisous. À lundi sur RTL, je vous embrasse. RTL, il est 16h. L'info, c'est avec Quentin Vinet. Au procès en appel de Jérôme Kerviel à Versailles cet après-midi, l'avocat général a requis le rejet de la demande de dommages et intérêts de 4,9 milliards d'euros réclamés par la Société Générale. Cette décision pourrait être un message fort donné aux établissements bancaires, a déclaré l'avocat général. Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, alors ce sera pour toujours. Le Premier ministre italien Matteo Renzi met en garde les Britanniques à une semaine du référendum sur le Brexit. La campagne outre-Manche est suspendue au lendemain de la mort par balle d'une députée pro-Union européenne et David Cameron, le Premier ministre britannique, s'est rendu sur place cet après-midi. À Toulouse, le correspondant de RTL, Patrick Tégéreau, nous signale que la manifestation contre la loi travail prévue lundi n'aura finalement pas lieu. La CGT a décidé de l'annuler car la préfecture a prévenu le syndicat qu'elle ne pourrait pas assurer le cortège puisque le match Russie Pays de Galles, match de football, est programmé ce même jour à Toulouse. RTL Euro 2016. Justement, à l'Euro de foot, Vladimir Poutine se demande comment 200 supporters russes ont pu passer à tabac plusieurs milliers d'Anglais le week-end dernier à Marseille. Six hooligans ont encore été arrêtés aujourd'hui et un groupe de 20 Russes sera expulsé demain. Cet après-midi, on suit le match entre la Suède et l'Italie à Toulouse. Yann Bouchery, vous êtes pour cette rencontre pour RTL. On s'ennuierait presque, hein, Yann. Oui, 0-0 alors que la deuxième mi-temps vient de débuter. Une première période effectivement très terne entre les deux équipes. Deux tirs de chaque côté, un seul cadré, c'était pour les Italiens. À noter que la Suède n'a toujours pas cadré le moindre tir depuis le début de l'Euro. Il va falloir se réveiller un petit peu. Les Suédois qui contrarient quand même l'Italie, 60% de possession pour les Suédois qui doivent faire un résultat. On le rappelle, eux qui ont fait un match nul, un but partout contre l'Irlande lors de la première journée, alors que les Italiens, eux, ont battu la Belgique 2-0. Et puis pour parler un petit peu plus spécifiquement de Zlatan Ibrahimovic, eh bien, il a touché 24 ballons en première période. Un seul tir, pas cadré. Il est bien muselé par l'arrière-garde italienne et notamment Chiellini. Pour l'instant, donc un match sans beaucoup, beaucoup d'occasions. On joue depuis 46 minutes et toujours 0-0 entre l'Italie et la Suède. Et les deux autres matchs du jour, République tchèque-Croatie, 18h et Espagne-Turquie, 21h. Pour les pronostics, on vous écoute, Bertrand Latour. Oui, on s'intéresse au match de 21h. Cette fois, Espagne-Turquie. Qui à Nice et à Vive en intégralité sur RTL. La cote pour une victoire de l'Espagne est à 1,53. Le match nul à 4,10 et la victoire turque à 8,50. Cote sujette à évolution. Les Turcs sont déjà sous pression. Les critiques sont vives de la part des médias locaux et de l'opinion publique. L'attitude lors du premier match contre la Croatie a déplu, notamment ce moment où Ozan Tufan se recoiffe et ne gêne pas vraiment Modric sur le seul but inscrit dans cette rencontre. Le capitaine Arda Turan, déjà présent en 2008, quand la Turquie avait été demi-finaliste de l'Euro, devra hausser son niveau de jeu pour porter son équipe et qui sait, espérer un exploit contre l'Espagne. Prochain rendez-vous pronostic à 17h. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Les courses, on attend le quintet de Vincennes en nocturne cet après-midi, donc on s'intéresse à ce qui se passe à Deauville. Oui, on a commencé de bonne heure à Deauville, quintet à midi, donc c'est la fin de la réunion. Donc la sixième, c'est le 5 Bramto qui s'est imposé 2,60 et 2,10 devant le 3 Xarino 1,70 et le 8 Berjou 2,80. La septième, l'As Saporedi Rome s'est montré le plus fort, 6,50 et 2,30 devant le 4 Oli Rodigan 2,50. Le 7 Olblad 4,10 se classe troisième. La combinaison gagnante du Pic 5 est complétée par le 13 13 Takaran et le 10 Sainte-Colère. Huitième et dernière course, le 9 Dark Road, 9-10 1,80 devant l'as Dir Béré 1,50 et le 2 Hero for L 1,30. Vous trouverez l'intégralité des résultats de cette réunion d'Ovillaise ainsi que, comme vous l'avez dit, les pronostics de Bernard Classe pour le quintet de ce soir à Vincennes, oui, et de demain à Enghien, le 32-10 sous le site onrefaitlescourses.fr. Merci beaucoup Claude-Pierre Santi. La météo, le temps vire à l'orage sauf dans l'extrême sud-est. Demain, déjà un coup d'œil, cela va s'améliorer avec encore des averses mais uniquement dans le sud-ouest et le nord-est. Ciel gris de la Bretagne jusqu'aux frontières du nord. Les températures le matin, elles seront comprises entre 14 et 23 degrés. 16h passées de 5 minutes sur RTL. Vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier pour les grosses têtes. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui se demande encore quand est le premier match du Brésil dans l'Euro 2016, Christina Cordula. Une grosse tête qui, quand elle ne trouve pas de bonne réponse, dit plus facilement merde que mince, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui a été plusieurs fois ministre, mais dont le lit n'a jamais été en portefeuille, Roselyne Bachelot. Une grosse tête pour qui l'équipe de France marque en fin de match afin qu'il ait une chance de voir les buts, Titoff. Parfait. Une grosse tête pour qui la culture générale, c'est des salades, des radis, des carottes et des haricots verts. Ah, c'est moi, ouais. Élie Semoun. Et enfin, une grosse tête qui commence par avoir le nez dans l'anis et finit la tête dans le cul. Oh, oh, elle est fine, celle-là. Jean-Jacques Péroni. Et après, vous allez dire que j'ai mauvaise haleine. Je n'ai rien dit, monsieur Péroni. Remarquez plutôt, regardez, oui, la couleur rose de madame Bachelot. Qui... Voilà. Vous êtes habillée un peu en petite cochonne, autant vous dire aujourd'hui. Oui. Ouais. Non, mais pas j'ai... du tout. Attends, en plus, elle m'a chanté du Offenbach. La queue en tire-bouchon, c'est pour Élie. Hein. Ce rose flashy, madame Bachelot. Mal, hein. Ah, c'est absolument incroyable. C'est rose peau, même. Ah, non, c'est pas un rose flashy, c'est un rose comme Barbie, un vrai rose. Un rose Barbie. Et que ça lui va à merveille, autant. Merci, c'est la première Christina. Chose que je vous ai dit quand je Bien suis arrivée. Bon, ça y est, on va parler c'est chiffon, de on va voir se faire chier pendant deux heures. Bon, ouais. C'est un rose fait chier. Est-ce que c'est à cause de votre prénom Roselyne que... Oui, c'est ma couleur fétiche. Évidemment. Ah, d'accord. Et oui. On m'appelle la panthère rose. Voilà. Pom, pom, pom. Palom, palom, palom, palom, palom, palom, palom. Et qui est-ce qui a écrit cette musique? C'était pour le film de Black Edwards, évidemment. Henri Mancini. Voilà, bravo. Voilà. Mais c'est pas vous qui posez les questions. Tant pis, et moi j'ai décidé d'en poser. Mais bonne réponse de Péroni. Très bien, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Il y a une question qui n'était pas prévue. C'est dingue, ça. Non, mais... Vous êtes sérieuse, Christina Cordula, quand vous dites à Madame Bachelot que ce rose est beau. Elle a dit que le rose Pourquoi était rose, c'est pas une découverte. Je trouve ça un peu curieux quand même. Hein, justement, comme on n'en voit pas. On a un du peu tout. L'impression qu'elle est toute nue. Mais non, c'est pas rose couleur peau, mais ça va pas, vous êtes daltonique. Avec la Légion d'honneur, ça fait vraiment qu'elle sera à poil. Mais, non, c'est pas du c'est tout. C'est je pas la terrible. Porte pas, ma Légion d'honneur. Pardon, ce que vous avez dit, c'est pas terrible, ça frise la mufleurie parce qu'on dirait qu'elle est toute nue, alors que c'est le costume qui est fripé. C'est pas Foutez la paix à Roselyne, merde. Voilà. Ben oui. On se voit samedi soir, on va écouter du Offenbach. Et puis voilà. C'est j'ai vu ça, que vous flirtiez l'un et l'autre avant oui, l'émission. Oui, elle m'a chanté une chanson, est-ce que vous voulez la refaire? Ah, la Grande Duchesse de Zérolta, ouais. Mais dans l'Offenbach qu'on va entendre, c'est pas celui-là, on va entendre le Général Boom. Ah. Le Général Boom. Ah oui. Ah ouais, c'est un des personnages de la Grande Duchesse de Gerolstein. Bien sûr. Et bien j'ai sûr. Chanté à Ellie pour lui faire plaisir. Heureusement qu'il y a du foot samedi soir. Oh, bah d'abord, Francis, c'est dimanche, hein, c'est pas samedi. Oui, mais il y a un match aussi samedi soir. Ah bon, ouais, qui contre voilà. qui Je sais plus, mais il y a important en tout cas. Je sais plus. C'est la Coupe d'Europe, quoi. C'est Cronenbourg contre Carlsberg. Alors allez-y pour votre Général Boom, là. Ah non, je chante pas le Général Boum, chante la Grande Duchesse. Ben allez-y. Dites, je chante à Élie. Oui, bien sûr. Dites-lui qu'on l'a remarqué, distingué. Dites-lui qu'on le trouve aimable. Dites-lui que s'il le voulait, on saurait lui montrer de quoi l'on est capable. Bon, je pense qu'on a des stagiaires dans le public. Aujourd'hui, bravo. On a des stagiaires de RTL dans le public qui se sont dit, tiens, on va travailler dans une station de radio, on va peut-être rencontrer Beyoncé. Bon, non, pas non. Ça doit leur faire un choc, hein, quand même. Ah, oh, peut-être qu'elle twerke bien, Roselyne. Vous twerkez? Non, non, pas du tout. C'est quoi twerker? Bah, twerker, c'est quand on... Un mélange de twist et de jerk? Non, c'est quand on secoue ses fesses de manière un petit peu provocante. Ah bah voilà. Je le fais pas pour éviter les tsunamis. C'est faire le trottoir. Ah si, on voudrait, mais on fait de la radio. On va twerker un peu plus tard et on va passer à une première citation pour Monsieur Philippe Bell, qui habite Nomexy, c'est dans les Vosges, qui a dit « Ne prenez jamais les gens pour des cons, mais n'oubliez jamais qu'ils le sont. » Jacques Séguéla ? Non. C'est une phrase de publicitaire. C'est une phrase de publicitaire, bravo. Alors Bleustein Blanchet ? Non. Frédéric Becbédé. Frédéric Becbédé, bonne réponse de Titoff. Une autre citation pour Sylvia Bonhiver, qui habite Montmorillon, qui a dit « Il est absurde d'offrir un whisky à une girafe sans ajouter dans le verre une très longue paille. » Ah, oh, c'est joli. C'est très con. Oh, moi, je trouve ça très drôle. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non, c'est poétique. Raymond Et quand Queneau. Vous saurez qui c'est, vous allez regretter d'avoir dit « c'est très con ». C'est Jean-Yann. Ce n'est pas Jean-Yann. C'est un poète. À sa façon. Est-ce que c'est un chanteur? Il a chanté, il a fait quelques disques. On peut pas dire que c'était pour autant un chanteur. Carlos. Non. Un acteur, non. Bobby Lapointe. Non plus. Il est absurde d'offrir un whisky à une girafe sans ajouter dans le verre une très longue paille. Est-il français? Est-il mort? Alors français, oui. Mort, oui. Est-ce qu'il a fait les grosses têtes? Je pense vraiment un passage furtif. Si Philippe Bouvard l'a invité à une époque. Mais en revanche, il a de la famille dans les grosses têtes. Il a de la famille dans les grosses têtes. Il a de la famille. Ah, oui. Ah, c'est le professeur Chouron. Bonne réponse de Titoff. Titoff, t'es attaqué aujourd'hui, chérie. Qu'est-ce que ça t'a pris? Ben, j'ai vu, ça m'a mis en forme et tout. Je suis total look. Bonne réponse aujourd'hui. T'es magnifique, chérie. Vous avez raison, je retire ce que j'ai dit. C'est bien l'esprit absurde, ouais. Évidemment, du professeur Choron. Mais il était à jeun quand il a dit ça. Le papa de Michel Bernier. Plus culturel, la citation suivante. Très jolie citation. Tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de la bêtise du bourgeois. Tocqueville ? Tocqueville, non. Émile Zola ? Émile Zola, non. Philippe Martinez ? Non. S'agit-il d'un écrivain ? Alors, un grand écrivain français, oui. Victor Hugo ? Victor Hugo, non. Français du 19e siècle, du 20e siècle ? Français du 19e, je pense même... Un peu à cheval ? Balzac ? Maupassant ? Non, non, non. Flaubert ? Gustave Flaubert. Bonne réponse d'Elie Semoun. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche. Et c'est chez Intermarché. Pour un kilo de merguez ou chipolata origine France, Jean Rosé acheté, le deuxième kilo est offert. Mais c'est seulement jusqu'à dimanche. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Naturo aux herbes. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Chantier neuf ou réno. Pour les pros, c'est signé. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne. C'est signé Signat. Des cloisons conformes aux normes acoustiques des écoles ou des hôpitaux. C'est signé Signat. Cloisons, plafonds, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. En pleine forme, les grosses têtes de Laurent Ruquier pour finir la semaine sur RTL. Une question pour Stéveline Marie, qui habite Saint-Ouen-l'Aumône. Lorenzo a 20 ans, Leonardo 17 ans. Ils viennent de défiler au salon du prêt-à-porter de Florence. Mais pour quelle raison parle-t-on de Lorenzo 20 ans et Leonardo 17 ans? Ils doivent être des fils de célébrités. Oui, c'est vrai qu'on connaît... Non, il s'appelle Roméo, le fils de David Beckham. Ah, ce n'est pas le fils de David Beckham. Est-ce qu'ils sont frères déjà, Lorenzo et... Ah, ils sont frères. Ils sont frères... 20 ans et 17 ans, Lorenzo et Leonardo. Une famille richissime, très célèbre, américaine. Richissime, non, américaine, non. Mais italienne. Italienne, oui. Alors, qui a comme grande famille italienne? Les enfants Fiat. On peut pas dire que ce soit une grande famille italienne. Les enfants Fiat, non. Et les enfants de Berlusconi. Les enfants de Berlusconi, non. Est-ce que ça a un rapport avec le football? Du tout. Avec la mafia. Non plus. Ah, les fils de la Cicciolina. Non. Non, les fils du pape. Mais on se rappelle. Oui. Mais il n'est pas italien, le pape. C'est vrai. Elle a raison. C'est la nationalité qui vous dérange, Roselyne. Lorenzo et Leonardo, on était tout prêts à un moment donné, on a brûlé. Avec la Cicciolina. C'est quand j'ai dit la Cicciolina. Eh oui. Donc c'est une pute. Comment ça? Ils sont les fils d'une pute, c'est ça. D'une vulgaire. Est-ce que c'est... D'abord, c'est pas leur maman c'est qui est célèbre, c'est leur papa. Non, c'est pas des fils de pute, écoutez. Ah, de Rocco Siffredi. Ce sont les enfants de Rocco Siffredi. Bonne réponse, la troisième. Non, mais c'est... Non, non, mais il est un seul, ce match. Je préfère trouver Flaubert que Rocco Siffredi. Franchement. Mais c'est ça. Ah ben, écoutez, vous ne croyez pas, si bien dire, il n'est pas Flaubert, Rocco Siffredi, mais il fait quand même la une du Monde, le magazine Le Monde de ce week-end, M, spécial sexe avec Rocco Siffredi en couverture, une si longue histoire, titre, oui, bravo, le magazine bravo. Le Monde, c'est le titre du Monde. Il y a même une photo de lui. Bah, je vais vous avouer un truc, moi, je n'avais jamais vu Rocco Siffredi. Moi non plus. Tout nu. Oh bah moi, je suis allé regarder quand même. Je vous le passe, Roselyne, si ça vous intéresse. C'est dans Le Monde. Alors, on peut tout se permettre, à partir du moment où c'est Le Monde. C'est quand même impressionnant. Ah, vous voyez ? Ah ouais. Il y a du matos, madame la ministre. Ouais. Je trouve rien d'exceptionnel. Allez voir, ça va vous intéresser, cochonne. Monsieur Péroni. Passe à nous, ici, de l'autre côté. La brésilienne, elle veut voir là-bas. Elle est mal à la même. Je suis habituée avec ces blagues vulgaires. Vous laissez pas. C'est pas possible. Ça, là, ouais. C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Qu'est-ce qui est pas possible? Ça fait mal à une femme, en tout cas. Mais c'est possible, c'est un rôti de porc pour 12 personnes, c'est tout. Alors, je ne sais pas si ses enfants, Lorenzo, 20 ans, et Leonardo, 17 ans, évidemment, ont hérité du papa. Hein, ça, on n'a pas... Bah, faudrait que j'enquête. Hein. Parfois, je me dis j'enquête dans ces cas-là. Et en tout cas, ce que j'ignorais, puisqu'il y a quand même 4 ou 5 pages qui lui sont consacrées dans le magazine Le Monde, ils sont déplacés, hein, ils sont allés jusqu'en Italie pour l'interviewer. Il analyse l'évolution du métier d'acteur porno. Je ne sais pas si... Ah ben, parce qu'il dit... Parlez-nous de l'évolution. Quand j'ai commencé, dit-il, la sodomie était le summum de la transgression. C'est vous qui dites ça, Laurent ? Non. Ah, pardon, d'accord, excusez-moi. Non. Pendant un moment, j'ai eu un blanc et puis je me c'est suis Rocco dit. C'est Rocco Siffredi qui parle. Ah, pardon, d'accord, non, mais précisez parce que là. Alors, Rocco Siffredi, je cite, disait : quand j'ai commencé, la sodomie était le summum de la transgression. 10 ans plus tard, c'était la norme. Ensuite, la double pénétration anale n'a plus rien d'extraordinaire aujourd'hui. Et désormais, on peut voir des films, alors je n'en reviens pas, avec triple pénétration. Et là, il dit-il, je suis contre, s'il n'y a plus de limite, où est la liberté? C'est-à-dire que même Rocco Siffredi, aujourd'hui, est choqué par ce qui se passe dans les films. Ah, franchement. Non, dans les stagiaires qui sont là, il y en a peut-être qui ont des... Non, je sais pas, levez la main. Mais ils ne sont pas majeurs. Laurent, bienvenue à RTL. Laurent, quand on avait fait... Qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, non, je vais vous raconter une histoire. Ah. Quand on a refait mon bureau à l'Assemblée nationale, j'ai déménagé, et puis je reviens et... Vous aviez trois secrétaires. Voilà, le frigo qui devait tenir dans une espèce de loge ne tenait plus. Et qu'est-ce que je trouve derrière mon frigo? Oh là là. Une capote. Non. Un énorme sextoy, mais alors un truc énorme, avec des revues pornographiques mais masculines. Non. Bon, bah, on veut le nom du bureau, Raymond du mec Barre. Qui était dans le bureau. Alors, visiblement, il y avait eu dans mon bureau une partie fine avec les types qui l'avaient rénové. Alors évidemment, j'ai regardé quand même cette chose très intéressante, mais je me suis trouvé à la tête de l'engin, si j'ose dire. Oui. Ah, oui, je me suis dit, il va falloir que je m'en débarrasse. Oui. Ah, j'ai cru qu'il allait dire, il va falloir que je l'utilise. Je me suis dit, je peux quand même pas le jeter dans ma poubelle, parce que si un huissier le trouve... Ou le canard enchaîné. Il va se dire, la mère Bachelot, elle s'empête pas dans son poubelle. Mais dites donc, pourquoi vous ne l'avez pas monté en lampe? J'aurais passé inaperçu sur le bureau. Et me voilà déambulant sur la rue de l'Université et le boulevard Saint-Germain à chercher une poubelle discrètement. Parce que vous jetez mon truc. Mais vous l'aviez sous le bras dans la rue. J'avais enveloppé dans un papier. Heureusement qu'on fouillait pas les sacs à ce moment-là. Ah, voilà. Et alors, chaque fois que j'ai soulevé un couvercle de poubelle, je tombais sur quelqu'un que je connaissais. Je me dis, c'est pas possible, il va se dire. Mais qu'est-ce qu'elle jette dans la poubelle? Je me souviens avoir croisé Jean-Louis Debré juste devant chez Julia. Et j'ai marché jusqu'à l'Institut du Monde Arabe pour me débarrasser du godemiché. Non, incroyable. C'est un destin quand même. Dis donc, alors. Il y a quelqu'un qui nous écoute à la radio qui un jour a trouvé un énorme godemiché dans une poubelle et maintenant il sait que Roselyne Bachelot avait posé ses mains dessus. Et pour lui, ce soir, la vie va changer. Il y a des films porno au Brésil, Christina? Non. Oui, il y en a. C'est très cinquième catégorie, bien évidemment. En fait, moi, je ne regarde pas les films porno. Ça m'a jamais... J'ai jamais eu cette fantasme pour des films porno. Et vous, Roselyne? Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Aujourd'hui, c'est Sophie de Paris qui vient d'apprendre que le 19 juin, le PMU propose une super tirelire de 10 millions d'euros à l'occasion du prix de Diane Longines, deuxième étape des Epic Series. Waouh ! 10 millions ? Mais d'euros ? Eh oui, c'est difficile à croire, mais pas impossible, Sophie. Le 19 juin, le PMU met bien 10 millions d'euros en jeu pour la super tirelire du prix de Diane Longines, Epic Series. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Toujours vivant. Renault, l'album. Toujours la banane, toujours embrasser un fric. Entre nations et république, j'ai embrassé un fric. Ça change des coups de fric, j'aurais pas cru il y a 30 ans. Renault, l'album incontournable, avec RTL. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Allez, alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Et si vous tombiez dans le coma ? Le coma des mortels. Un coma dont vous sortiriez avec une incroyable envie de tuer. Le coma des mortels. Le coma des mortels, le plus assassin des romans de Maxime Chatham, chez Albin Michel. Le jeudi 16 et vendredi 17 juin, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. Le melon type charentais jaune ouvert est au prix imbattable de 69 centimes d'euros pièce. Oui, vous avez bien entendu, seulement 69 centimes. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Melon type charentais jaune ouvert selon approvisionnement, catégorie 1, calibre 650-800 grammes, origine Espagne. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. C'est qu'on en apprend de bien bonnes aujourd'hui sur les grosses têtes. C'est super ça, ça va continuer jusqu'à 18h. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Christine est au téléphone. Bonjour Christine. Bonjour Laurent. Vous habitez dans l'Indre, à Mers-sur-Indre très précisément. Oui. Et que faites-vous dans la vie? Et vous, double pénétration ou... Je suis en pré-retraite, voilà. Ah bah voilà. Ah bah non, on a la réponse. Ça va vous laisser du temps pour. Vous écoutez les grosses têtes régulièrement? Oh oui, oui, oui, régulièrement. Et puis j'écoute RTL depuis des années. Hein, ah bah, Alors écoutez, c'est gentil d'être resté fidèle à la station et à notre émission des grosses têtes qui peut-être va vous faire voyager jusqu'au Luxembourg. Hier, on a appelé l'hôtel romantique Bel Air pour en savoir un peu plus sur son spa qui s'appelle les Jardins du Nil, sur ses spécialités luxembourgeoises que vous pourrez goûter au restaurant. On n'a pas tout bien eu hein, de la carte, mais en tout cas, ça a l'air très sympathique. J'ai des photos du parc et des photos du spa. Vous passerez un magnifique séjour au Luxembourg à l'hôtel romantique Bel Air, Christine. Oui. Pour cela, il faudra répondre à la question qui vient. Vous êtes prête ? Bah, je suis prête, on y va. Attention, les grosses têtes vous laissent seulement 10 secondes d'avance. Ah, oui, oui, oui. Et à mon avis, il y en a au moins un qui peut répondre à cette question, puisque je vais vous parler d'une chanteuse qui, décidément, est une bête à concours, nous dit le Nouvel Observateur, puisqu'elle a gagné Danse avec les Stars en 2013 et elle vient de remporter le meilleur pâtissier spécial célébrité sur M6. De qui s'agit-il ? On sait. Mais on vous laisse le temps. Mais... Célèbre chanteuse, non, je vois pas. Elle a gagné Danse avec les Stars en 2013. En 2013. Et le meilleur pâtissier, là, il y a 8 jours à peine. C'est une fille dans le vent. Une fille dans le vent, c'est bien, Roselyne. Une fille dans le vent, non, je vois pas du tout. Non. Spécialisée dans les chants. Une Lolita. Non. Peut-être que Caroline peut vous fredonner la chanson, Caroline. Ça va pas être trop crédible. Moi, je m'appelle Lolita. Oh là là, c'est une... On n'y croit pas une seconde. Non, ça va pas reconnaître. Hein. Il y a eu la version de Julien Doré. Il y a eu la version de Julien Doré. Ça, c'est la version de Julia Cramé. Hein. Ah, c'était une chanteuse qui était avec Mylène Farmer, non? Ah oui, ah, oui, oui, c'est oui, début, c'est début. Là, il faudrait peut-être... Elle est corse. Je suis au bout de la langue, mais je m'en rappelle plus. Ah bah ouais, on a craché. On n'a jamais autant aidé. Je crois qu'on n'a jamais autant aidé quelqu'un. J'ai trouvé. Alors, c'est... Non, je vois pas. C'est son nom m'échappe. Alizé, c'était la chanteuse Alizé. Oh là là, je suis désolé. Ah non, je l'ai dit, mais sur le truc, sur le gong, et voilà quoi, c'est le. Voilà, on a tout fait pour vous aider. Ah ouais, j'avais bien aidé. Ah, oui, oui, vous m'avez bien aidé. Alizé, la chanteuse Alizé, c'est vrai que elle chante plus beaucoup, mais au moins elle gagne les concours. Danse avec les stars, le meilleur pâtissier. Grâce, a-t-elle gagné ce concours du meilleur pâtissier? Grâce à sa spécialité des raviolis sucrés, paraît-il. Ah oui. Je n'ai pas vu l'émission, mais je sais que Titoff faisait partie du concours. Oui, c'était très sympa. En fait, vous la suivez de près parce que vous avez fait Danse avec les stars. C'est elle qui me suit. Ah, vous croyez? Je crois, oui. Et ouais. Vous avez fait quoi dans Meilleur pâtissier, non? Moi? Ouais. Une belle saucisse. Bon, c'est vrai? Non, c'est vrai? J'ai fait. Non, non, parce qu'après. Tu la dernière épreuve, il fallait faire un trompe-l'œil, tu sais, avec quelque chose de salé. Moi, j'ai fait des œufs au plat avec des saucisses. C'était des diarocos. Et c'était très bon. C'était plus petit que Rocco Siffredi, si vous vouliez savoir. Mais c'était très sympa à faire, vraiment. Et vous avez fini combien, vous? Moi, troisième. Troisième? Ouais. Ah, sur quatre. Non, non, on était très nombreux au début, et puis après, c'était très sympa à faire. T'es arrivé jusqu'à la fin? J'étais en finale, oui. Et je suis sûr que vous cuisinez bien, vous, monsieur Semoun, non? Mais non, absolument pas, vous me connaissez pas, en fait. Ah non. Ah non, non, j'essaie d'apprendre à vous connaître. Oui, oui. Ah non, absolument pas, je suis complètement nul. Ah, mais vous jardinez, vous faites rien de votre potager et non, tout non, ça? Non, mais moi, c'est pas, je suis pas obsédé par le potager, c'est les fleurs, moi, que j'aime. Ah oui, vous et mangez donc, pas les fleurs. Non, non, je suis complètement nul en cuisine. Nul. Ah. Oh là là là là. Ah, ouais. Ah bah, vous êtes déçu? Ah bah oui, je pensais. Vous aviez une petite idée derrière la tête? Non, mais c'est va peut-être falloir vous calmer, monsieur Riquet, parce que je veux bien venir faire des conneries sur RTL, mais enfin, je vais vous demander de rester dans les limites de la correction. Merci. Mais non, mais donc, je ne sais pas faire à manger. Avec ton petit habillé de jardinier, puis après passer à la cuisine. Mais c'est vrai, je vous voyais très, non, malheureusement, très non. Homme d'intérieur, vous voyez. Ah non, non, non, pas du tout. Ah, pas du tout, c'est fou. Ouais. Vous avez une fausse image de moi. Mais je comprends, Laurent, parce que comme tu es forcément très manuel pour travailler non, ton jardin. Non, j'aime l'esthétique, j'aime la beauté, mais je ne suis pas très manuel, je suis plus intellectuel. Okay. Ah vous enfin, je ne l'ai peut-être pas prouvé là, depuis quelques mois, enfin, je suis... C'est pour ça, moi, j'étais persuadé que vous saviez faire les tartes, c'est vous ça, voyez voilà. C'est de salaud. Voilà. En tout cas, c'est perdu pour vous, Christine, je suis désolé. Bah, c'est pas grave, Laurent, hein. On passera un week-end à Mer-sur-Indre. Hein. Ah bah tiens. C'est du chantage affectif, ça, madame. Avec une jolie montre RTL au poignet tout de même, qu'on va vous envoyer, et le cahier de vacances des grosses têtes, comme ça vous penserez à nous cet été, en jouant avec les mots fléchés, les devinettes de Jean-Jacques Perroni et des tas d'autres astuces et gags que vous trouverez en pagaille dans ce joli cahier de vacances actuellement chez tous les bons marchands de journaux, Christine. Ok, merci Laurent, et puis bonjour à toute l'équipe. Hein. Bonjour, merci. Bonjour. Au revoir. Vous avez des chouchous avant de nous quitter quand même, qu'on sache Christina Cordola, j'aime bien. Merci ma chérie. Non, je trouve qu'ils sont tous sympas. Pour moi, j'ai pas de différence. J'aime bien Christine Bravo, j'aime bien... Ah oui, donc ça va loin. Ah oui, vous faites le grand écart. Bon, on vous embrasse, c'est gentil Christine, et on vous envoie la montre et le cahier de vacances. Et pas que, Laurent, puisque Christine se voit offrir par Interfel une centrifugeuse Juice and Smooth à l'occasion de la fête des fruits et légumes frais. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les Good Old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle du sérum de l'été. Vous le savez, le soleil peut entraîner l'apparition de taches. Le sérum éclat anti-tache d'une perfecte Caudalie est unique. Grâce à la viniférine, active 62 fois plus efficace que la vitamine C, il est la solution contre les taches. En prévention, avant chaque exposition, appliquez le sérum Vinoperfect sous votre crème solaire pour un bronzage sans tache, quel que soit votre type de peau. En ce moment, pour un sérum Vinoperfect acheté, un soin solaire IP50 offert. En pharmacie et parapharmacie participante dans la limite des stocks disponibles. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Alors vous, Léa, c'est quoi votre petite manie? Alors perso, moi je profite de la super promo Contrex pour faire un peu d'exercice. Et hop, le premier pack dans la main gauche, et hop, le deuxième gratuit dans la main droite, et hop hop hop, les deux d'un seul coup dans le chariot. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles d'eau minérale Contrex d'1,5 litre, le deuxième est à 0€ au lieu de 2,76€. Casinomania, la folie continue! Avec Casino, prenez goût aux économies. Bonjour patron. Bonjour. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien quand on conduit Citroën C4 avec kit main libre Bluetooth et 7 ans d'assistance offert. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C4 Vitamine est à partir de seulement 13 990€. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Vous manquez de lumière et d'espace? La solution, c'est une véranda rideau. Une pièce en plus qui vous ressemble, conçue avec qualité pour répondre à toutes vos envies et à tous vos besoins. Et en ce moment, Stéphane, Véranda Rideau, le leader de la véranda en France, offre 150€ tous les 1000€ d'achat. Modalité en espace conseil et sur verandarideau.com. Allez hop hop hop, touche chez Véranda Rideau. Le soleil brille dans la radio sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier jusqu'à 18h avec à l'affiche Elise Moon, Christina Cordula, Caroline Diamant, il y a Roselyne Bachelot aussi, Jean-Jacques Perroni et Titoff. Une question historique et culturelle pour Monique Lipari qui habite Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Et cette question concerne une biographie publiée aux éditions Perrin, un grand livre d'histoire chez Perrin, on le sait. Et cette biographie est signée Christine Lobozek est consacrée à quelqu'un dont je vais vous demander évidemment de retrouver le nom. Quelqu'un qui fit épouser Joséphine de Beauharnais et Napoléon Bonaparte. Il était même d'ailleurs témoin de Joséphine de Beauharnais pour ce mariage de Napoléon, quelqu'un d'ailleurs qui dirigea évidemment le, enfin je dis évidemment, je vous le précise, le directoire de 1795 à 1799. Tallien. De qui s'agit-il? Madame Tallien. Non. C'est un homme, visiblement. C'est vous un homme. Dit c'est un homme. Eh oui. Général, homme politique français de la Révolution et de l'Empire. Cies, non. Cambacérès. Et c'est d'ailleurs, pour aider Madame Bachelot, Murat. Un personnage qu'on retrouve dans une opérette. Je crois que c'est la fille de Mademoiselle Angot, c'est ça? Ah oui, c'était pas la peine. Ah oui, vraiment, de changer de gouvernement. La fille de Madame Angot, ça se passe sous le directoire. Mmh. Et justement, le personnage est évoqué aussi dans cette opérette, la fille de Madame Angot. Ah, Monsieur Sans-Gêne? Non. Oh bon, non. Non, Cambacérès. Non, Cambacérès, non. Non. Murat, non. Lafayette. Et c'est vrai qu'on a tous appris ça à l'école. Son nom, forcément, vous le connaissez, mais c'est quelqu'un dont on parle très peu, qu'on oublie. Et pourtant, évidemment, dans tous nos manuels d'histoire, on a forcément appris son nom. Puisque cette période du directoire court quand même sur 4 ans. 1795, 1799. Et il était déjà là, évidemment, au moment de la Révolution. Est-ce qu'il a un boulevard? Oh, un boulevard, je ne crois pas. Non. Une avenue? Une avenue, non plus. Une rue? Oh, bah oui, enfin, écoutez, on va passer, on va terminer par une impasse, si tant est. Il est très célèbre ou honnêtement, on oublie toujours. Est-ce qu'il était écrivain en même temps? Non, on ne peut pas dire qu'il ait été écrivain. Il a participé donc avant le directoire à la chute de Robespierre, hein, le 9 Thermidor. Il a été commandant de la force armée de Paris. Ah bon, on doit le trouver, là. Il s'est emparé de Robespierre lui-même. Il a été président de la convention thermidorienne. Et puis ensuite, évidemment, il a intégré le directoire dès sa création, le 31 octobre 1795. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'il était vérolé? Non, mais on l'a connu en tant que révolutionnaire, d'abord. Ah oui, oui, oui. Au départ, il était évidemment un peu révolutionnaire d'occasion, hein, pour tout vous dire. Il paraît qu'il se trouvait par hasard place de la Bastille au moment de... Ah bah, Beaumarchais. Alors non, c'était pas Beaumarchais. Et puis à son retour d'Égypte, eh bien Bonaparte a renversé le directoire. Et là, il a d'abord été contraint à l'exil à Bruxelles. Oh bah, puis ensuite, pas trop dur. Hein. Puis ensuite à Rome. Voilà pour ce personnage historique que tout le monde manifestement a oublié. Est-ce qu'il y a son nom dans... Alors vous parliez de l'opérette, mais est-ce qu'il y a une chanson qui a été faite? Non, quand on parle non, de lui? C'est non. Pas Champollion, il était ce pas... n'est pas Champollion. Il y a un F? Ça commence par un F? Non, écoutez, on n'est pas aux chiffres et aux lettres, ni à Pyramide, j'ai pas la gueule de Pépita. Pépita. Elle était très jolie, Pépita. Ah, oui, mais je vous remercie, mais quand même. J'aime beaucoup Pépita, moi. Et là, ça prouve que Christine Lobozek a bien eu raison de consacrer 400 pages à ce personnage, car manifestement, vous vous l'avez oublié. On a des jeunes qui certainement ont passé le bac il y a pas longtemps ou vont le passer et qui forcément connaissent le nom de ce personnage historique. Levez la main. Oui, qui nous regarde pas de haut parce qu'on verra dans 20 ans s'ils s'en souviennent. Levez la main. Il y a une montre RTL pour celui ou celle qui donnera la réponse tout à l'heure une fois que le gong aura sonné. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle? Levez la main. Non, non, un nom peut-être. Ah, il y a une petite stagiaire peut-être là-bas au fond. Ah, un stagiaire de 1912. Madame, vous viendrez au micro de Péroni tout à l'heure hein, et on verra. Vous aurez peut-être une montre RTL. Je lance des trucs, mais criez pas si c'est pas la bonne année. Hein. Fouquet-Tinville. Fouquet-Tinville. Bah non, c'est tu pas trop loin. Fouché. Fouché. Fouché. Non, non, non, non. Oh. Ça, ah, ouais. Peut-être si je vous donne son prénom. Oui, allez, donnez. Paul. Ah. Eh ben voilà. Ah, des roulades. Paul. Paul. Paul Turenne. Non, non, non. Paul Taras. Alors, il est... Paul McCartney. Non, il Paul est... Naref. Ah, non, il est... Paul Anka. Il est inhumé au Père Lachaise, hein, si vous voulez aller voir. Paul Hochon. Non, vous recueillir sur sa tombe. Est-ce que la dame avait la... On va demander à cette dame, voir si elle peut, en s'approchant du micro de Jean-Jacques Perroni, remporter, non pas les 300 euros, parce que ça c'est l'auditeur qui les gagne, mais une montre RTL. Je suis pas certaine. Je pense au général Pichegru. Eh bien madame, vous allez pouvoir vous rasseoir. Vous voyez les jeunes, les vieux ils sont toujours et là madame, vous emmerdez, vous ils êtes... savent rien non plus. Vous êtes arbitre de foot aussi en même temps, parce qu'elle a un sifflet autour du cou, c'est marrant ça. C'était Paul Barras. Oh, mais oui. Barras. Il avait fait un numéro de duettiste, Barras et Noiret. Bah, non. Mais quand même, vous avez entendu parler de Barras. Oui, oui. Et oui, Barras. C'était assez facile. Tout... Enfin, facile, oui, c'est pas le mot. Probable. Mais c'est en tout cas un nom de la Révolution qu'on a oublié. Oui, c'est vrai. Barras. Eh bien, je vais vous offrir le livre de Christine Lobozek. 400 pages, 24 euros aux éditions Perrin. Barras, le météore. Parce que c'est vrai que flambeur, débauché, corrompu, nous dit Charles-Henri Dandigné dans le Figaro. Il n'a pas eu une image très reluisante, cet homme-là. Mais il faut savoir quand même que son ascension a été aussi incroyable que sa chute. Il est retombé, c'est vrai, dans l'anonymat assez rapidement. Et ben, la preuve. Et la preuve encore aujourd'hui aux grosses têtes. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Sephora. Envie d'un teint allé sans soleil, d'un smoky de star sans tapis rouge, de sourcils parfaits, ce n'est plus un rêve. Rien que pour vous, le Make-up Bar Sephora. C'est gratuit et sans rendez-vous. Le maquillage que vous voulez, quand vous voulez, avec de super pros à votre dispo. Et maintenant, à vous de jouer. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Le Monde présente Agir, la troisième édition du Monde Festival. Culture, sciences, environnement, nouvelles technologies, politique. Écoutez, réagissez au débat, participez aux ateliers et profitez de spectacles inédits. Rendez-vous à l'Opéra Bastille, au Palais Garnier et au Théâtre des Bouffes du Nord du 16 au 19 septembre. Programme et réservation sur lemonde.fr/festival. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casino Mania et je suis avec Antoine. Alors vous, c'est quoi votre petite manie? Bah chez Casino, t'achètes un poisson, le deuxième est gratuit. Et moi j'adore le poisson, donc je tire au sort. Merlu, cabillaud, l'immense sœur à toi qui sera gratuit, gagné. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un filet de merlu blanc, de l'immande ou de cabillaud, le deuxième est à 0€ au lieu de 4,60€. Casino Mania, la folie continue! Avec Casino, prenez goût aux économies. Panachage possible, poids selon variété. Pure McCartney. Le nouveau best-of de Paul McCartney. Inclut Bend on the Run, Maybe I'm Amazed, Live and Let Die et près de 40 tubes. Pure McCartney, le nouveau best-of de Paul McCartney avec RTL. Voici un commentaire qui a été publié sur la page Facebook Les Grosses Têtes-RTL, écrit par Flore Dunel, qui dit « En vérité, je vous le dis, une bonne tranche de rire avec vous, ça fait oublier les averses. Que d'eau pour ce pauvre Jean-Jacques Perroni. » C'est pas faux. Si cela vous donne aussi envie de rejoindre les Facebookers assidus des Grosses Têtes, eh bien venez liker la page et laissez votre message, des messages que les sociétaires et Laurent ne manquent pas de lire Les Grosses Têtes-RTL. Une question pour Églantine Amouni qui habite Visy dans l'Isère. Dorothée, Demis Roussos et Alain Barrière ont tous les trois enregistré cette chanson. Laquelle ? Tiens, voilà du boudin. Non. Dorothée. Mais c'est vrai que c'est un grand classique quand même. Ça fait combien de temps, Dorothée, et là, ce petit chemin et... Qui sont là, Noisette? Je ne connais pas. Est-ce que c'est une comptine? Ce n'est pas une comptine. Mais est-ce que c'est un standard de la chanson française? Alors, standard, oui, on peut considérer. Qui a créé le... Ah, bah, si est-ce que c'est l'un des trois? Quoique, si je vous dis qui a créé, oui. Je ne suis pas sûr que ça va vous aider. Alors, j'essaye. Antoine Renard. Oh, merci, oui, en effet. Beaucoup. Beaucoup, Antoine Renard. Antoine Renard. Alors, plus dans la merde qu'autre chose. Mais Charles Trenet l'a chanté aussi. Yves Montand, Mouloudji, Colette, oui. Renard, Nana Mouskouri, Tino Rossi, Léo Ferré. La bicyclette. Hein. Patrick Bruel, oh, Barbara Hendricks. Ah, nanana, les amants de Saint-Jean. Non, Lambert Wilson. Mais non. Genre cette époque ou pas? Oui, le oui. Petit bal perdu. Le petit bal perdu, non. Lenny Escudero, Barbara. Les feuilles mortes. Les feuilles mortes, non. La vie en rose. La vie en rose, non. Et je peux même vous dire que Coluche l'a joué au violon avec des gants de boxe. Est-ce que si vous nous donnez l'année de création, ça nous aide trop? Ah, oh, bien sûr, je peux vous donner l'année de création, puisque ce fameux monsieur Renard a chanté et interprété pour la première fois cette chanson dont il avait signé la musique en 1868. Oula. Oh, d'accord. Ah, ça ira. Oh non, c'était en pendant la Révolution, ça. Alors attention, il n'est pas l'auteur des paroles, car je crois que vous connaissez mieux l'auteur des paroles que le compositeur. Mais ce serait-il pas le temps des cerises? Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, le temps des cerises. Jean-Baptiste Clément. Et évidemment, on connaît mieux Jean-Baptiste Clément, qui est l'auteur des paroles du temps des cerises. Un grand standard de la chanson, ouais, Temps des cerises. Et je dois dire que, pourquoi, évidemment, je suis parti sur cette chanson ce matin, c'est parce qu'on nous dit que c'est actuellement le temps des cerises, mais qu'elles sont trop chères. 9 euros le kilo à peu près, ça vous fait cher la cerise, vous voyez. Et elles sont en augmentation constante depuis 3 ans, les cerises. Et je me suis dit, tiens, mais... de la poésie à 9 euros le kilo, c'est trop drôle. Qui a chanté la cerise? Et alors là, savoir que Demis Roussos... Oui, c'est marrant. Et Dorothée... Écoutez, par exemple, la version de Demis Roussos. Le temps des cerises et gué rossignol, les merles moqueurs seront tous en fête. C'est vraiment un ratage total. Complet. Limite, la version de Dorothée est meilleure. Nous chanterons le temps des cerises, oui, et gué rossignol, et merles moqueurs seront tous en fête. J'ai la version d'Alain Barrière, si ça vous tente, pour les Bretons qui nous écoutent. Au temps des cerises, et guerres signoles, et merles moqueurs, seront tous en fête. Alors je propose évidemment maintenant qu'on ait la version d'Elis et Moon quoi et ah non, Christina Cordula, voire même de Roselyne Bachelot, bah, qui je pense... J'ai jamais entendu cette chanson de My Life. Oh non. Quoi, tu veux que c'est je la chanson chante de la commune. C'est une chanson française, madame. Alors on s'incline, madame. Mais The Time of the Cherries, vous connaissez pas? Moi je connais même pas la mélodie, le son. Enlevez-lui le papier. Elis et Roselyne vont vous montrer. Allons-y. Oui. Alors on y va. Pardon, je me fais la voix. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre aux signoles, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle. C'est mieux que des Miss Roussos, ça. On sort des inondations. Oh, mais attendez, toutes ces chansons, moi, ça m'a toujours donné un cafard énorme. Ah ouais, bah, comme le J'apporte des roses blanches, là, oh ma jolie maman. Alors, le temps des cerises, c'est une chanson d'amour. Après, ça s'est transformé en chanson politique. Comme une arde. Voilà, comme une arde, mais au départ, ça n'était absolument pas l'idée du parolier qui faisait une chanson d'amour, tout simplement parce qu'il était sous des cerisiers lors d'un voyage en Belgique, sur la route des Flandres, à Conchy-les-Pots, exactement. Ah, ça aurait pu être dans la Il a bien fait de choisir les cerises. Il a fait escale dans une une maison près d'un estaminet. Et l'estaminet tranquille. Et il était entouré de cerisiers, puis s'est mis à écrire cette chanson. Ouais, il aurait été sous les bananiers, il aurait fait pareil. Exactement, une chanson d'amour. Ouais, bon. Et c'est ensuite qu'on a comparé ça à la semaine sanglante de fin mai 1871, parce que c'était le temps des cerises, mais au départ, ça n'était pas du tout une chanson politique. Autre question pour Chantal Xilling, qui habite Lyon. On nous dit qu'en Angleterre, il y aurait 10 000 personnes qui seraient adeptes du pop play. Mais de quoi s'agit-il ? Pop play ? Le pop play. C'est un rapport avec la musique ? Pas du tout. Du pop-corn ? Du pop-corn, non. Alors le pop-play, si, parce qu'on appelle les pop-up sur Internet quand il y a des publicités qui apparaissent sur votre écran. Est-ce que ça... Rien à voir. Alors attention, c'est pas P-U-P, hein, pop-play. Mais vous êtes foutu dedans à cause de votre accent. Oh bah enfin, écoutez mon accent. Et play, que je note. P-U-P, P-U-P, P-U-P. Oh, vous avez de la chance, ça ne sent rien. Et P-L-A-Y. Ah oui, Pup play. C'est le diminutif de puppy, petit animal, petit chien. Oui. Et c'est joué avec un faux chiens, animal. Faire danser ses chats en vidéo. Non. Est-ce que c'est un rapport avec les puppies, avec les petits animaux? Ah, il y a un petit rapport. Est-ce que ça a à voir avec un animal en particulier? Oui. Le chat. Le chien. Plutôt le chien. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Ça termine sur Internet? Non, ou pas spécialement. Non, il y a eu quelques documentaires qui ont montré. Oui! Des adeptes du pop play, criez pas comme ça, Caroline, je vous jure. C'est pénible. Faut vraiment que quelqu'un la fasse jouer une bonne fois pour toutes. Hein. Ouais, excusez-moi. Alors ça y est, elle a trouvé. Je crois que je l'ai. Est-ce que c'est pas ce nouveau jeu qu'ont les gens de se mettre en dessous de leur chien, de leur mettre des vêtements et de genre s'amuser à les faire genre fumer une cigarette, etc. Filmant. Non, il n'est pas question de les filmer. Est-ce que ça a à voir avec l'odorat de l'animal? Non, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir un chien pour être adepte du pop play. Ah, on peut avoir un vieux chez soi et faire du pop play. Non, mais vous êtes tout seul chez vous et faire du pop play. Sans chien. On peut le faire. C'est des ombres chinoises. Non plus, non. On peut le faire sans rien, quoi. Sans accessoires. Sans accessoires. Ah, certains préfèrent utiliser des accessoires, mais ça n'est pas obligé. Des accessoires du genre de ce qu'a trouvé Roselyne derrière son frigo. Non, ça n'est pas forcément sexuel, même si certains estiment que c'est quand même une forme de déviance. Mais. C'est pas la levrette. Non, mais la levrette n'est pas une déviance. D'abord, il y aurait plus de 10 000 personnes qui seraient adeptes du pop-play. C'est pas une déviance, comme dit Roselyne. Est-ce que c'est un plaisir sexuel? Non, je vous ai dit que ça n'était pas forcément sexuel, section, même si certains estiment que c'est une déviance. Est-ce que ça serait pas de refaire le cri des animaux, mettant d'aboyer ou de miauler? Ça en fait partie. C'est un peu sadomaso ou pas? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est de marcher comme un chien dans la rue. C'est de se comporter comme un animal. Comme un chien. Comme un chien. Je vais vous accorder la bonne réponse, Titoff. Bravo. Bravo. Et oui. Il y a 10 000 Anglais, on ne sait pas encore combien ils sont en France pour l'instant, mais 10 000 Anglais qui se comportent comme un chien, ils aiment ça. Oh là là. Alors, ils aiment manger dans une gamelle, se faire caresser le ventre par leur compagne. Non, maintenant, au secours. Il y a des tout pour faire un monde. Et certains même portent une combinaison. Alors, par exemple, là, j'ai une photo, il a une combinaison noire et blanche façon dalmatien, et il est effectivement couché sur le canapé à côté de sa femme. Oh là là, il y a 10 000 personnes réellement. Oui, oui, 10 000 personnes. Non, mais à quel moment du sondage tu réponds oui, j'aime bien m'habiller en chien. Mais des gars déguisés en chien qui bouffent dans la gamelle avec un collier autour du cou, j'en ai connu dans certaines maisons spécialisées. Ah oui. Ça s'appelait les claques avant. Ben là, écoutez, c'est pas dans des maisons spécialisées. Regardez-moi, j'ai la photo du monsieur en dalmatien à côté de sa femme. Le problème qu'ils ont, c'est pour se nettoyer réellement comme les chiens, quoi. Oui. Ah non, mais ça fait peur. Faut être très souple, quoi. C'est n'importe quoi. Ah oui, puis surtout, quand est-ce que tu rentres dans une boutique en disant « Vous avez ma taille en dalmatien ?» Mais quelle est la raison? Et le mec te dit « Pourquoi faire ?» Ben, c'est pour me faire caresser le ventre par ma femme. Non, mais tu sais, t'es à la maison. Ma femme Cruella. Oui, c'est ça. T'es à la On maison, mettrait deux gamelles, un os en plastique, s'il vous plaît, puis vous rajouterez la laisse là-bas. Oui. Voilà, c'est une forme de déviance, évidemment. Ah, une forme? Oui, mais ça fait de mal à personne. Ils vont pas jusqu'à poser des pêches. On sait jamais, quoi. S'il y en a qui se prennent pour des pitbulls ou des rottweilers ou quoi. Ah, ce serait drôle que le type morde le facteur quand il arrive. Ils vont pas jusqu'à poser des pêches sur le trottoir, ça va. C'est dégueulasse. Oui, mais la femme ramasse. Ah, quelle horreur. C'était le seul avantage de l'homme. chiant. C'est un jeu de rôle animal, vous voyez, en fait. Ben non, puisque la dame est habillée normalement. Oui, mais elle, elle joue la maîtresse, vous comprenez. Et le monsieur joue le chien. Rocco Siffredi, lui, il se déguise toujours en kangourou, l'animal qui saute sur sa queue. Oh, Roselyne, vous avez dû rencontrer des comme ça, non? J'ai rencontré des chiens dans ma vie, mais ils ne s'habillaient pas pour autant. Ils n'avaient pas l'assemblée qui se déguisait. Non. Vous ne trouvez pas que c'est du style? C'est vrai, c'est là, vous avez vu le costume dalmatien? Ça pourrait être une nouvelle mode. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment n'importe quoi. Le mec, c'est même pas habillé. Pour ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas la photo. Il est habillé en dalmatien, mais il a aussi la tête, une masque, une tête, une gueule de dalmatien. Mm-hmm. Mais c'est pas possible, en tout cas. Moi, je trouve pas ça drôle du tout. Ah, ça t'aurait moins choqué s'il avait gardé sa vraie tête. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les Grosses Têtes reviennent dans un instant sur RTL. Ils sont les lauréats de la première édition du concours Mon Premier Grand Studio RTL. Venez découvrir pour la première fois en live sur la scène du Grand Studio les talents de demain. Alma Forer, Tails, Nawal Ben Krayem et Miss America. Pour la fête de la musique, RTL vous fait découvrir ces quatre talents exceptionnels. Présentés par Éric Jean-Jean et le parrain de cette édition 2016, Thomas Dutronc, Mon Premier Grand Studio, c'est demain dès 15h sur RTL. En partenariat avec le journal 20 minutes. La fille de Brooklyn, le nouveau roman de Guillaume Musso, une critique enthousiaste. Bernard Lehu, RTL, Guillaume Musso confirme avec une diabolique efficacité son virage polar. Une intrigue tirée au cordeau. Le Figaro, une course-poursuite haletante. Frisson garanti. La fille de Brooklyn de Guillaume Musso, un suspense de tous les instants, un livre XO. Nous savons que les cambrioleurs utilisent des brouilleurs et attendent que vous soyez vulnérables pour pénétrer chez vous. Mais avec les alarmes Vérissure, en quelques secondes, nos milliers d'agents réagissent grâce à notre technologie unique d'antibrouillage Vérissure. Avec Vérissure par Securitas Direct, protégez l'essentiel. Pour une installation gratuite avant vos vacances, rendez-vous sur verissure.fr. Géant, c'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, profitez d'une offre exclusive. Une remise immédiate de 30% sur une large sélection de vélos adultes et enfants. Oui, 30% de remise sur les vélos pour toute la famille. Géant pour vos balades en famille, non? Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. France 2. Salut, c'est Garou. Salut, c'est Amanda Scott. Nous serons place du Capitole à Toulouse pour la fête de la musique le mardi 21 juin à 20h55 en direct sur France 2. Et retrouvez en live Christophe Maé, Pascal Obispo, Kenji Girac, Jane, Vianney, Selassou, iPhone et bien d'autres. La fête de la musique, c'est sur France 2 avec RTL. Aujourd'hui, c'est Sophie de Paris qui vient d'apprendre que le 19 juin, le PMU propose une super tirelire de 10 millions d'euros à l'occasion du prix de Diane Longines, deuxième étape des Epic Series. Waouh ! 10 millions ? Mais d'euros ? Eh oui, c'est difficile à croire, mais pas impossible, Sophie. Le 19 juin, le PMU met bien 10 millions d'euros en jeu pour la super tirelire du prix de Diane Longines, Epic Series. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Allez, on rejoint les Grosses Têtes et c'est l'heure de tirer le bon numéro dans les Grosses Têtes. RTL. La valise. 1001 euros dans la valise RTL, le DVD Joséphine Sarandi, le DVD de Marie-Lou Berry, c'est elle qui a réalisé ce film. Et en plus, hier soir, Agnès Bonfillon et Christophe Paco ont ajouté dans RTL Grand Soir, à 21h57 précisément, il fallait écouter RTL à 21h57, ils ont ajouté, Agnès et Christophe, un coffret de chocolat collector Ligue 1, le cadeau idéal pour la fête des pères. Tous les papas qui aiment le foot et le chocolat seront ravis par ces chocolats siglés aux couleurs des 20 clubs de la Ligue 1 de football. C'est une bonne action en même temps, puisque les recettes de vente de ces coffrets de chocolat vont à l'association Rêve, qui permet aux enfants malades de réaliser leurs rêves. Allez voir sur chocoligue1.fr pour en savoir plus. Pas besoin de retenir tout ça, hein. Juste un coffret de chocolat collector Ligue 1, 1001 euros et le DVD Joséphine Sarandi de Marie-Lou Berry. Roselyne, à vous de choisir un numéro entre 1 et 20. Je vais prendre 19 parce que c'est la date de France-Suisse. Ah, dites donc, vous êtes vraiment supportrice des Bleus. Ah bah ouais, un peu. 19, Nicolas Meneghetti. Notez bien le nom et le prénom. Roselyne, remarquez, je sais que les politiques n'ont pas besoin de noter, ils ont une excellente mémoire. Nicolas Meneghetti, il habite Vessac, dans le Tarn-et-Garonne, et il s'est inscrit sur RTL.fr. On espère évidemment qu'il a bien noté le contenu de la valise RTL. Je vous laisse avec lui s'il décroche, Roselyne. Oui, allô? Oui, Nicolas Meneghetti? Oui. Bonjour, c'est Roselyne Bachelot. Bonjour. Bonjour. Alors, oh là là. Eh ben écoutez, je vous téléphone pour la valise RTL, Nicolas. Ah oui, ben dis donc, je m'y attendais pas du tout. Eh ben voilà, ah, vous y attendez pas. Ça me fait vraiment plaisir que ce soit vous en plus. Ah ben c'est génial. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nicolas ? Il est droite. Ah oui. Mais si non, ça lui fait Nicolas, plaisir. Vous ne laissez pas troubler par Laurent Ruquier qui est très désagréable aujourd'hui. J'ai pas entendu en plus ce qu'il a dit. Allez-y, Nicolas. Alors. Nicolas, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, moi, je suis militaire. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais ? Que j'aime les militaires, j'aime les militaires. On va chanter ça avec... Dans quelle arme ? Alors, dans l'armée de l'air. Ah, bien. Ah, très bien, on va s'envoler avec vous, très bien. Rompez, Nicolas. Alors, Nicolas, vous écoutez régulièrement RTL ? Vous savez ce qu'il y a dans la valise ? Alors, j'ai peur de pas tout avoir, parce que je dois avouer que j'ai pas écouté ce matin la radio. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est surtout hier soir qu'il fallait écouter, pour tout vous dire. Bon, est-ce que vous avez quand même une petite idée ? Alors oui, moi j'ai les 1001 euros. Ah, c'est bien, ouais. Et le DVD du film Joséphine s'arrondit. Eh oui, vous avez pas le troisième. Oh. Et non, j'ai pas écouté la radio hier. Oh, que c'est dommage. Oh. Aïe, aïe, aïe, le coffret de chocolat ajouté par Agnès Bonfillon et Christophe Paco. Oh, c'est dommage. Un coffret de chocolat collector Ligue 1. C'est souvent comme ça, hein, quand c'est une nouvelle valise qu'elle redémarre. Oui, je sais, oui. Eh oui, on est un petit peu malin parce qu'elle serait gagnée tous les jours, comprenez la valise. Oui, c'est qu'on est finaux. Eh oui, donc il faut de temps en temps ajouter quelques difficultés. Il faut être évidemment fidèle à la station pour pouvoir gagner la valise aussi souvent. Je suis désolé, Nicolas. Oh, oh, ben c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a avec vous comme grosse tête ? Ah, qu'est-ce qu'il y a avec moi comme grosse tête ? Bah, vous avez entendu et reconnu Madame Bachelot, que vous aimez oui. bien. J'ai entendu Monsieur Perroni aussi. Voilà, ah. Monsieur Perroni, que vous aimez bien aussi, je suis sûr. Oui, ah oui, beaucoup. Ah, ben voilà, beaucoup. Titoff, je sais pas si vous vous souvenez de Titoff. Oh, ben oui, oui, oui. Il arrive souvent. Merci. Ah, voilà, ben oui. C'est vrai, on se rappellera d'au moins pour ça, c'est, ça fait plaisir. Rompez, Nicolas, quelle belle carrière. Autre route. Merci Laurent. Caroline Diamant. Ah, très bien. J'aime beaucoup aussi. Ah, vous aimez bien Caroline aussi. Vous aimez bien les grosses. Moi, tu vas me faire le plaisir de bien m'aimer aussi. Hein, oh, c'est Elie Semoun. Oui, Elie Semoun. J'aime beaucoup Elie Semoun. Ah, c'était là hier déjà. Ça s'est bien terminé, paraît, entre eux. Oui, j'ai couché avec. Le livre sort le mois prochain. Voilà, c'est ça. Ah, mais oui, c'est vrai. En fait, elle couche avec des mecs et après, elle fait des bouquins. Ça va s'appeler l'éjaculateur précoce. Ouais, bah, apprends à parler d'abord et puis après, tu feras des vannes. Et la sublime. La cerise sur le gâteau, pour vous, Nicolas, Christina Cordula. Ah oui, d'accord, très bien aussi, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup toutes les grossettes. Merci. En tout cas, merci de nous être fidèles. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous faire gagner la valise RTL, mais Roselyne me suggère de vous envoyer une montre RTL. Oh, moi, je trouve, étant donné qu'il y était presque, moi je propose deux montres. Ah, deux montres. Vous êtes... Ah ouais, parce que homme et femme. Vous êtes marié, Nicolas ? Ah non, pas encore. Ah, pas encore. Bah, quel âge vous... vous avez un ami ou une amie ? Quel âge vous avez ? Non plus, j'ai 22 ans. Ah, mais vous êtes très jeune, Nicolas, dites donc. Oui. Oh, vous avez peut-être quelqu'un qui voulait offrir une dame à qui vous voulez offrir une montre. Mais foutez-lui la paix. Ou à votre général, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. 22 ans, vous écoutez RTL, ça va pas, non ? Ah oui. Nos auditeurs sont de plus en plus jeunes, grâce à vous, entre autres, d'ailleurs. Ah, j'espère bien. Elie Semoun, un peu grâce à moi aussi, d'ailleurs, mais. Enfoiré. Mais non, mais il peut garder une montre pour une femme et il l'offrira à sa prochaine petite amie. Voilà. Ça vous va, ça, Nicolas ? Merci beaucoup. Et puis, le cahier de vacances des grosses têtes, comme ça, pendant que vous piloterez votre avion, pourrait de temps en temps... Oui. Il y a autre chose c'est rassurant. Celui-là, je l'offrirai à mon père, parce que je l'ai déjà acheté, le cahier de vacances. C'est pas vrai. C'est un vrai fan. Bah, ça fait plaisir de savoir qu'un jeune de 21, 22 ans, c'est un assidu du grosses têtes. Sinon, Nicolas, si tu vas dans le 6e, en cherchant dans les poubelles, tu peux trouver un gros goldmiché de... De Roselyne, sinon c'est possible aussi. J'aimerais savoir, c'est militairement, quel est votre uniforme ? C'est pour que Christina Cordula puisse fantasmer, juger de votre uniforme, savoir s'il est magnifique, stylé ou pas. Alors, qu'est-ce que vous portez en tant que militaire dans l'armée de l'air ? Alors, on porte un pantalon bleu marine, une chemise blanche, une cravate noire et un pull bleu ciel. Moi, je trouve ça très style. Moi, j'aime bien, moi, les uniformes en France. Je trouve ça joli. Ah oui, il y a des pays que c'est la catastrophe. Même les policiers dans la rue me demandent si je leur trouve style. Ils s'aiment pas. Mais moi, j'ai dit, je trouve que vous êtes très élégant. J'aime bien les bleus marines et les bleus. C'est surtout quand ils vous ont arrêté un feu rouge que vous venez de brûler que vous leur dites ça. Pas du tout. Mais pas vous êtes tout. Très stylé. C'est magnifique. Moi, j'aimais bien les costumes de SS. Moi, je les trouvais super. Oh, la grande gabardine en cuir. Ouais, moi, je trouve ça super. Moi, je regrette un peu. Nicolas, en tout cas, restez fidèle aux grosses têtes encore longtemps. On vous souhaite évidemment de tenter à nouveau votre chance. Une montre et un cahier de vacances, c'est déjà ça, non? Oui, je vais vous avoir eu aussi. Ah ben, c'est gentil. Merci. On vous embrasse tous, toutes les grosses merci têtes. Beaucoup. Très gentil, le jeune garçon. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Mathilde Thomas, expliquez-nous le succès du sérum anti-tâche Vino Perfect. Autrefois, les jeunes femmes dans le vignoble s'enduisaient le visage et les mains de sève de vigne pour enlever les taches et éclaircir leur teint. La recherche Caudalie a découvert dans cette sève miraculeuse un principe actif naturel surpuissant qui s'appelle la viniférine. Surpuissant ? C'est-à-dire ? C'est 62 fois plus efficace que la vitamine C pour enlever les taches liées à l'âge, au tabac, à une grossesse, au soleil. C'est le numéro 1 de l'antitache en pharmacie. Merci Mathilde Thomas. Merci. Ouba, hop ! Tu t'es vu quand t'as lu ? Cet été, les BD de tes héros préférés, c'est un vrai cadeau. Gaston Lagaffe. Mon frère. Boulébi. Les Schtroumpfs. C'est Schtroumpf de Schtroumpf. Spirou. Et Fantasio. Lucky Luke. Avril, tais-toi. Et plein d'autres personnages. Cet été, la BD à 3,90€, c'est cadeau. T'es vu quand t'as lu. En partenariat avec RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous allez être vert. Ah oui ? Et vert comment ? Ben, vert courgette. Parce que là, chez Lidl, ils nous mettent le kilo de courgette Origine France à 99 centimes. 99 centimes le kilo de courgette Origine France ? Moins d'un euro ? Non mais ça va encore durer longtemps. Longtemps ? Ben aujourd'hui et demain, patron. Moins d'un euro le kilo. Ah là, ils y vont fort, hein. Bon, là, t'arrêtes de me courir sur le haricot avec ses courgettes, ok ? Ok, patron. On est mal. On est très très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 14-21, origine France. RTL, première radio de France. RTL. Bon après-midi avec les grosses têtes, il est 17h. Quentin Vinet pour les infos. Le jeune homme radicalisé arrêté cette semaine à Carcassonne va être présenté à un magistrat antiterroriste en vue d'une éventuelle mise en examen. On sait de lui qu'il est âgé de 22 ans, décrit comme fragile, schizophrène, fiché S. Il a été interpellé, c'était lundi, à sa descente du train à Carcassonne et d'après les enquêteurs, il envisageait de s'attaquer à des touristes étrangers. À Versailles, au procès en appel de Jérôme Kerviel, le parquet a demandé de rejeter la demande de dommages d'intérêt formulée par la Société Générale. La banque réclame 4,9 milliards d'euros à l'ex-trader et l'avocat général a dit ceci, cette décision pourrait être un message fort adressé aux établissements bancaires. Le vol Paris-Le Caire. Les enquêteurs ont entre les mains désormais les deux boîtes noires de l'Airbus qui s'est abîmée en Méditerranée le mois dernier avec à son bord 66 passagers dont 15 Français. La seconde boîte noire, celle qui enregistre les paramètres de vol, a été retrouvée aujourd'hui. Il n'y a pas de programme de dopage organisé par l'État en Russie. Voilà ce que déclare cet après-midi Vladimir Poutine. Et ce, alors que l'on attend ce vendredi une décision très importante de la Fédération internationale d'athlétisme. Elle doit dire si les athlètes russes ont le droit de participer au JO au mois d'août à Rio. Ils sont provisoirement suspendus de toute compétition en raison de l'énorme scandale de dopage qui a éclaté il y a plusieurs mois. RTL Euro 2016. Cela vient de se terminer 1-0, la victoire de l'Italie contre la Suède dans le premier match du jour. Yann Boucherie, c'est vous qui avez suivi cette rencontre pour RTL. Et l'Italie qui est qualifiée comme la France après deux matchs pour les huitièmes de finale. Les Italiens qui se sont imposés grâce à une bien meilleure deuxième période. Il y a d'abord eu à la 82e une tête de Parolo sur la barre transversale et puis c'est Eder, l'attaquant de l'Inter, qui a apporté la délivrance à la 88e. Une longue touche de Chiellini, une déviation de la tête et puis Eder qui se joue de 3 défenseurs suédois et qui frappe du droit décroisé un peu à la Dimitri Payet contre l'Albanie. 1-0, c'est suffisant pour les Italiens pour rejoindre les huitièmes de finale. Grosse déception en revanche côté suédois, 0 tir cadré. Zlatan Ibrahimovic quasi inexistant. Il a eu une occasion en or à la 72e au deuxième poteau. Le ballon arrive mais il a mis cette balle au-dessus et les Suédois en très mauvaise posture. Un seul point après 2 matchs et il faudra qu'ils aillent chercher leur qualification lors de la dernière rencontre et ce sera difficile contre la Belgique. Merci beaucoup Yann Boucherie. 18h, coup d'envoi de République Tchèque-Croatie. 21h, l'affiche dans RTL Grand Soir entre l'Espagne et la Turquie. Si vous voulez miser une pièce, c'est l'heure de votre rendez-vous pronostic avec Bertrand Latour. Oui, Espagne-Turquie, c'est la grande affiche du soir à l'Allianz Riviera de Nice. Et c'est à vivre évidemment sur RTL en intégralité à partir de 21h. L'Espagne est favorite pour la victoire avec une cote de 1,53. Le match nul est à 4,10 et la victoire de la Turquie à 8,75. Cote sujette à évolution évidemment. Les Espagnols n'ont plus perdu face à la Turquie depuis 62 ans. La mission sera dure pour les Turcs qui sont dos au mur après la défaite 1-0 face à la Croatie lors du premier match. L'Espagne, de son côté, va s'appuyer sur son maître à jouer, Iniesta. Del Bosque, le sélectionneur, selon les dernières indiscrétions, devrait aligner le même 11 qu'au premier match contre la République tchèque. Prochain rendez-vous pronostic à 20h15 dans RTL, grand soir d'Euro avec l'équipe. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. La météo, attention sur la route dans le département du Nord. Franck Hanson, le correspondant de RTL, nous signale de fortes pluies. Les pompiers comptent à l'heure qu'il est 80 interventions, essentiellement pour des rues, des caves inondées. Par précaution, des établissements scolaires sont fermés dans le secteur de Roubaix et de Croix. D'ailleurs, la fan zone de Lille pour voir les matchs de l'Euro, eh bien cette fan zone est fermée par précaution. La météo pour demain, un coup d'œil, ce sera légèrement mieux. Ciel gris et pluie dans le sud-ouest et le nord-est. Les températures le matin seront comprises entre 14 et 23 degrés. 17h, passé de 4 minutes sur RTL. Vous êtes toujours en compagnie de Laurent Ruquier. RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Christina Cordula, Roselyne Bachelot, Caroline Diamant, Élise Moon, Titoff et Jean-Jacques Perroni. Voici maintenant une question pour monsieur Maël Minet qui habite Poitiers. La question concerne quelqu'un qui, il y a 950 ans, enfin pas tout à fait encore, mais on célébrera ça le 25 décembre prochain, car c'était un 25 décembre. Effectivement, le 25 décembre 1066, il y a donc quasi 950 ans, qui reçut la couronne anglo-saxonne dans l'abbaye de Westminster. Guillaume le Conquérant ? Guillaume le Conquérant, évidemment. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Et ça commence ce week-end, hein, les festivités de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, en Normandie évidemment, c'est plutôt les Normands qui célèbrent ça, plus que les Anglais, ça va de soi. Plus de 150 manifestations célébrées en Normandie pour la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Évidemment, toute la région normande va organiser jusqu'au 25 décembre et même peut-être au-delà des festivités. Le coup d'envoi va être donné ce week-end à l'abbaye aux Dames de Caen. Concerts, visites, reconstitutions historiques et expositions. Quand même, c'est incroyable d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui est parti il y a 950 ans de Normandie pour conquérir l'Angleterre. Eh oui, la tapisserie de Bayeux. Ah oui, c'est vrai qu'on le voit sur la tapisserie de Bayeux. On raconte ça très très bien. C'est la première bande dessinée de l'époque. Hein, on peut dire ça, quand même, la tapisserie de Bayeux. Il n'y a, enfin, a pas de bulle non plus. Non, ah c'est oui, je vais les massacrer. Plutôt un truc artistique. Ah, voilà une bonne idée, on pourrait faire des bulles sur la tapisserie de Bayeux. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui, on voit pas Guillaume le Conquérant faire glop-glop, par voilà, exemple. Voilà, ça, c'est oui, sûr. Il s'en fout, c'est Romain. Quoi. Vous avez raison. Une autre question pour... c'est n'importe quoi. Oui, c'est vraiment n'importe quoi. Une autre question pour Mathieu Quesnel, qui habite les Sables d'Olonne. Monsieur et Madame Taverne... On t'en fiche. On t'en fiche. Non, Monsieur et Madame Taverne étaient domestiques et ils ont hérité... Ah, oh, c'est les héritiers de Ravel. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Alors, ça va trop vite. Élie, en train de... c'est pas juste. Vous n'avez pas fini la question, elle nous a empêchés de trouver. Ah oui. Mais là, je vais vous dire, j'ai Élie en face de moi, il est en train de tomber complètement amoureux de Roselyne. Ah, bah, moi, oui, oui. Oh, oui. Moi, une amatrice de musique classique comme ça, moi, je craque. Alors, c'est vrai que Ravel, quand il est mort, a tout légué à son frère, Édouard Ravel. Et Édouard Ravel lui-même est mort assez rapidement, au point qu'il a laissé, finalement, la maison de Ravel à ses domestiques, monsieur M. Taverne. C'est eux qui ont hérité... Et, Et le débat, il est-ce que l'héritage comprenait ce qui était contenu dans la maison ou seulement la maison ? Et si c'est le contenu, sont évidemment les partitions Travel qui étaient dedans et qui c'est un patrimoine national. Et le débat, il est autour des partitions. De toute façon, c'est le domaine c'est public. C'est dans le domaine public. Ben non, les héritiers continuent. Ah, ils ont prolongé, oui. À vouloir prolonger les droits. Ah ben oui, tu m'étonnes. Ben bah oui, forcément. Je veux dire que partout dans le monde, on entend le Boléro de Ravel et ça va de soi que ça rapporte beaucoup d'argent. Je trouve que quand on est héritier, des héritiers, ah oui, des sonnets fantastiques. Déjà, on ferme sa gueule, on est content de gagner plein d'argent à rien pendant faire. Pendant tant d'années, non mais quand même, c'est dingue. Héritier, des domestiques du frère de Ravel. Bah oui. Et il râle encore. Christina, autant vous ne connaissez pas le temps des cerises, autant je suis sûr vous allez pouvoir me fredonner. En plus, le Boléro, c'est de votre domaine. Le Boléro de Ravel. Vas-y, allez-y, Roselyne, aidez-moi, parce que vous avez une belle voix. Apparemment, tu connais pas les paroles. Non, je crois. Ça, il fallait le voir dans la chorégraphie de Maurice Béjart, c'est magnifique. Magnifique, le film et tout, j'ai vu 10 millions de fois. Le film, quel film? Oui, ah oui. Il a chorégraphié Maurice Béjart les uns et les autres. Ce que j'ignorais, c'est qu'il était tout petit, Ravel. 1m55. Mm. Au point qu'on le surnommait, je crois même que c'est Colette qui le surnommait, Ravelito. Sinon, vous pensez qu'il aurait écrit la veste de Ravel? Je ne sais pas, mais enfin, quand même, 1m55, c'est pas grand. Il y a quelque chose de formidable, c'est qu'il voulait absolument servir pendant la guerre de 14 et qu'il ne faisait pas 50 kilos. Donc, on lui avait refusé de servir pendant la guerre de 14, comme il moi. Est allé volontairement servir pendant la bataille de Verdun. C'était vraiment un vrai patriote, Ravel. Et c'est marrant quand même d'appeler Ravelito sous prétexte qu'il fait seulement 1m50. Ouais, n'est-ce pas, Semounito? J'étais sûr que ça allait tomber sur ma tronche, alors c'est pas possible. Hein. Non, j'ai quand même une dizaine de centimètres de plus. Non, mais on n'allait pas l'appeler Ravelitor, vous voyez. Ça va pas avec le monito. Vous aimez les hommes petits, Christina Cordula? C'est pas mon style. Eh ben, je vous souhaite une excellente soirée, un bon séjour à la capitale. Au revoir, messieurs, dames. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chaud. Qui veut des choux? Choux. Mais ça, c'était avant. Chouchou. Qui veut des chouchous? Des bons chouchous. Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Carrefour, à vos côtés avec les bleus. Dis Claire, pour la fête des pères, je pensais offrir une tablette à papa. T'en penses quoi? Ah bah tu pouvais pas mieux tomber. Jusqu'à demain chez Carrefour, il y a 20% d'économies sur la carte Carrefour sur les tablettes Samsung. Excellent, bah je dois être connecté aux économies sans même le savoir. Bah vivement la fête des sœurs alors. Sérieux? Mais c'est quand la fête des sœurs? C'est quand tu veux. Ah. Jusqu'à demain dans vos hypermarchés Carrefour pour la fête des pères, profitez de 20% d'économies sur la carte Carrefour sur les tablettes Samsung. Valable sur les tablettes Samsung présentes en magasin. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Lundi, n'oubliez pas de venir assister à l'enregistrement des grosses têtes de Laurent Ruquier. Notez que ça commencera à 11h et pas à 10h. Hein. 11h au grand studio de RTL, 22 rue Bayard à Paris, dans le 8e. Une question maintenant pour Dominique Chalet qui habite Paris 11e. Et la question va nous permettre d'avoir au téléphone dans un instant Madame ou Mademoiselle Sandra Chalal qui l'année dernière à la même époque a gagné un concours qui va avoir lieu à nouveau dimanche. Quel concours Sandra Chalal a-t-elle remporté? Ça n'a pas un rapport avec la Reine Claude? La Reine Claude, expliquez-moi. On avait eu au téléphone une nana très sympa. Après les cerises, la Reine Claude. Est-ce que ça a un rapport avec les noyaux d'olive? Parce que la semaine dernière, j'en ai bouffé 3 et je me suis dit, bon, bah, peut-être ça peut servir pour les grosses têtes. J'ai pris le bus aussi il y a 2 jours, alors je sais pas, peut-être je balance, on sait jamais. Et j'ai perdu des lunettes aussi. Et ma sœur mange à la cantine, alors je sais pas, peut-être. Et parfois, non, elle tombe juste. Et parfois, ça tombe. Ouais, parfois, ça tombe. Ça n'a rien à voir avec les Reines Claude. jaune, en tout cas, ni avec les cerises. Est-ce que ça a à voir avec le lancer de béret ? Pas du tout. Ah, est-ce que, ah, un lointain rapport. Ah, est-ce qu'elle a le droit concours, de un se... Un concours idiot, comme... Ah non, c'est pas un concours idiot. Oh, allez dire ça à celle qui a gagné qu'on va c'est avoir au téléphone. C'est pas une course en talons aiguilles ? Pas du tout. Moi, je pense que c'est une élection de Miss Régionale. Et pas c'est... du tout. Est-ce qu'elle a le droit de... Et celle qui va succéder à Sandra Chalal, vous la verrez certainement dans les journaux lundi. Est-ce D'accord. qu'elle est belle ? Oh, il faut être belle, je veux j'imagine dire. J'imagine tout de même que ça aide. Mais ça peut être gagné que par une femme. Oui, c'est plutôt les femmes, oui. C'est une un concours de cuisine. De cuisine, non. Oh, mais c'est un concours. Et est-ce que ce serait pas celle qui épluche le plus vite les crevettes ? Oh non, écoutez, on l'avait eu l'année dernière. On l'avait eu, c'est pour ça. On l'avait eu, c'est... Mais franchement, après, il y a le téléphone qui sentait et tout. Oui, c'est dégueulasse. Et vous avez pas eu les carius de moule. Ah, mais voilà la couleur que je cherchais. Couleur crevette. Vous ouais. avez l'air d'une enfin, crevette. Une crevette, un, peu, une crevette un peu fatiguée. Hein. Un peu fanée. Une grosse crevette. Moi, quand elles ont cette couleur, je les mange pas, les crevettes. Hein. C'est plutôt une gambasse. On dit que j'ai une jolie gambasse. C'est vrai. Revenons à nos moutons. Ce serait pas la couture. Non, non, non, non, madame. Est-ce que ça a à voir avec le manger ? Pas du tout. Faut-il être jeune pour non, se présenter ? Non, je crois pas qu'il y ait une question d'âge. Alors on peut demander. Ne dites rien, hein, Sandra. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de question d'âge hein, pour gagner le concours. Non, pas du tout. Voilà. Bon, est-ce que c'est un savoir-faire que vous avez ? Non plus. Et c'est pas, c'est, ça n'a rien à voir avec les crevettes non plus. Il y a une question d'âge enfin, Non. Il y avait combien de candidates l'année dernière ? Alors moi, j'étais le numéro 272. Ah oui, quand et même. Est-ce que parmi nous, quelqu'un pourrait gagner ? Est-ce qu'il aurait les compétences physiques ? Je suis sûr que si dimanche, Christina Cordula, Roselyne Bachelot et peut-être même Caroline Diamant... Bon, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un truc qui n'est pas très grand. Ah, non. J'essaie de rentrer dans un truc qui n'est pas très grand, c'est tête. Oh. Elle est vulgaire. Je confirme, elle ne pourrait pas gagner le prix, par exemple. Ah, n'est-ce d'accord. pas, Sandra ? C'est de l'élégance, l'élégance. Et l'élégance ça, à la française. Et ça se passe où, ce prix ? À Chantilly. J'ai trouvé la bonne réponse. À Chantilly, c'est le prix de Diane. À Chantilly, le prix de Diane. Bonne réponse de Titoff et d'Elie Semoun. Et oui, chaque année, au prix de Diane, le grand concours de chapeau, d'élégance, là, de chapeau. Voilà. Vous portiez un joli chapeau, j'imagine, Sandra, l'an dernier. Exactement, oui, j'avais un très joli chapeau fait par les chapeaux de Béa. Et alors c'est pas un chapeau extravagant, c'est vraiment sur l'élégance. Donc c'est un petit bibi noir et blanc. Très ben, inspiré des courses hippiques anglaises. Voilà. Et voilà pourquoi tout à l'heure, quand Jean-Jacques Perroni m'a parlé du lancer du béret, j'ai dit, bah oui, il y a quand même... C'était pas loin, on n'était pas loin. Il y a un petit rapport au niveau chapeau, comme dirait l'autre, vous voyez ? Exactement. Et dimanche, vous y retournez ou pas, alors ? Oui, je suis invitée et je suis très, très heureuse d'y retourner, car c'est une journée vraiment exceptionnelle. Il faut quand même rappeler que c'est avant tout quand même une course hippique. Hein, que on y voit les meilleures pouliches de 3 ans. Oui. Dans une épreuve de galop. Vous, on ne vous fait pas courir. Non. Oh, il est distingué aujourd'hui. Sur le chapeau. Sur la peau, c'est pas terrible. Il y a un mec qui ramasse le crottin derrière. Bonsoir. Tu sais que tu sais parler aux femmes, Laurent. Je suis désolé, Madame Bachelot. Elle est en train de me donner des concours d'élégance. C'est elle qui s'est trimballée dans tout Paris avec un vibromasseur ou un sextoy. Jusqu'à une poubelle dans enfin franchement ça va bien monsieur Perroni, défendez-moi. Mais oui, pour mais l'élégance t'es malade ou quoi? Mais si, mais je vais le défendre, bordel à cul. Roselyne, je vous ai rarement vu avec un chapeau. Ah non, chapeau. J'ai pas du tout une tête à chapeau. Ah, j'étais sûr que vous n'aviez pas une tête à chapeau. Absolument pas. Ça me va pas du tout, du tout. Ah, pourtant, quoi, un beau chapeau rose en plus. Là, oui, c'est ça, oui. Laurent, oui. Alors, en fait, on a l'impression d'une crevette, mais décortiquée, vous voyez. décortiquée, n'exagérons rien. Moi, il y a un truc qui me va très bien, c'est le Bob Ricard. Il y en a très peu au prix de Diane, hein, des Bob Ricard, Sandra. Oui, il y en a très peu, mais en cherchant bien, je pense qu'on peut vous faire une petite place quand même. Un concours des pouliches, c'est avant tout quand même, rappelons-le, une grande course hippique, une épreuve de galop sur 2100 mètres, c'est à 16h15 dimanche, le prix de Diane, et évidemment, en cette occasion aussi, il y aura l'éternel et habituel fameux concours d'élégance du prix de Diane avec une montre. C'est pas une montre RTL, vous, que vous avez gagné. C'est une montre magnifique. Une montre de l'horloger suisse Longines. C'est bien ça? Exactement. La Dolce Vita, c'est une de leurs montres phares qui est complètement incroyable. Fait avec une finesse et une délicatesse. Alors nous, on a beaucoup de montres RTL, on peut pas faire des échanges. Non, je garde la mienne. Bon ben écoutez, tant pis, on vous embrasse, Sandra. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la Bibox Miam à 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la Bibox Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Vous manquez de lumière et d'espace? La solution, c'est une véranda rideau. Une pièce en plus qui vous ressemble, conçue avec qualité pour répondre à toutes vos envies et à tous vos besoins. Et en ce moment, Stéphane, Véranda Rideau, le leader de la véranda en France, offre 150€ tous les 1000€ d'achat. Modalité en espace conseil et sur verandarideau.com. Allez hop hop hop, touche chez Véranda Rideau. Savez-vous que 80% des cambrioleurs passent par la porte d'entrée? Alors équipez votre domicile. Exigez la qualité Picard Serrure. Choisissez une porte blindée certifiée anti-effraction, origine France garantie et distribuée par un réseau de professionnels. Prenez rendez-vous sur picard-serrure.com. Picard Serrure, ça rassure. Moi, j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Lloris passe à Boateng. Boateng pour Messi. Oh là là, Messi accélère. Oh, il évite le tacle de Toulala en F5 pour Ronaldo. Oh, superbe retourné acrobatique de Ronaldo. Quel but. Super. L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec beIN Sport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal Plus et beIN Sport à 30€ par mois dans les offres Canal pendant un an. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et à beIN Sport. Géant, c'est toujours le mois bien fait pour vous chez Géant. En ce moment, profitez d'une offre exclusive. Une remise immédiate de 30% sur une large sélection de vélos adultes et enfants. Par exemple, le VTT suspendu Bakini Aventure est à seulement 89€ au lieu de 127,14€. Oui, 89€ le VTT homme. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. À l'instant, les grosses têtes parlaient du prix de Diane, ce qui me permet de vous dire qu'il n'y a pas de rendez-vous hippique cet après-midi puisque la réunion à Deauville est terminée. Mais vous pouvez retrouver les pronostics de Bernard Glass pour la nocturne à Vincennes au 32-10 et bien sûr sur le site onrefaitlescourses.fr. Allez, c'est à vous les grosses têtes. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Jérémy est au téléphone. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ah ben voilà encore un jeune auditeur, 24 ans dites donc, et il habite 7 dans l'Hérault. Qu'est-ce que vous faites à 24 ans ? Je suis serveur. Je suis retraité. Serveur, à serveur où ça à 7 ? Dans un restaurant, un hôtel-restaurant à 7, à centre-ville de 7. Il est sympa le restaurant, ils sont cool avec vous ? Très bien. Très bien, ben, alors donc si on va manger au restaurant, quel est le nom du restaurant et de l'hôtel ? Le Quai 17. Le Quai 17, très bien, ouais. Et là on demande Jérémy et on est bien servi. Super bien servi. Parfait, il fait beau temps aujourd'hui à 7 ? Très beau, comme toujours. Vous allez peut-être partir grâce à RTL, cher Jérémy, en croisière. C'est croisièrenet.com qui vous offre la possibilité de quitter Marseille, partir vers la Corse, 7. Visiter Florence et ensuite revenir à Marseille. Vous reviendrez. Oui, vous reviendrez de la croisière. Wow. Hein. Et faut savoir quand même, c'est le leader de la croisière en France, croisièrenet.com. 45 destinations au meilleur prix. Allez voir sur www.croisièrenet.com. Vous en saurez plus. Vous pouvez partir à 2 et écoutez bien. Le prix, la valeur de votre croisière, c'est quand même 1260€. Ça vaut le coup de se battre, Jérémy. Super. Ouais, oui. C'est une question sportive. Vous intéressez au sport, Jérémy ? Oui, un petit peu. Quel est votre sport de prédilection ? Oh, le foot. Le foot. Aïe. Ah, bah oui. Pas de chance, c'est pas sur le foot. Bon. C'est sur le rugby. La finale du top 14. Est-ce que ça veut dire la finale du top 14? C'est le championnat, c'est le championnat de rugby. Voilà, le championnat de rugby, exactement. On appelle ça le top 14, mais c'est le championnat de rugby. Eh bien, la finale du top 14 aura lieu pile dans une semaine, vendredi prochain, 24 juin. Mais elle va se jouer où, cette finale? Où ça? À Barcelone. À Barcelone, oh, c'est gagné. Ça fait plaisir. Et oui, c'est ça qui est étonnant, parce que c'est la finale du championnat de France de rugby, et vous savez évidemment pourquoi elle va se jouer à Barcelone. Parce qu'il n'y a, y a pas de place. Bah oui, il n'y a pas un stade disponible en France. Ah oui, parce que tout le monde joue au foot en ce moment dans les stades, et donc le rugby est obligé de se délocaliser. On délocalise même la finale du championnat de France de rugby. C'est aussi parce que les matchs de rugby fracassent la pelouse pour le football. Et oui, il y a ça et les concerts d'ACDC. Exactement. Ouais. Parce que votre pelouse, monsieur c'était Titoff, une catastrophe. Alors, ça... Votre pelouse à Marseille, il n'y a pas de quoi c'était en être pas fier. Beau. Non, c'était pas joli cette pelouse-là. C'est pas une question d'esthétisme. Pourquoi la pelouse? Mais ne crie pas là-bas. Pourquoi la pelouse? Attends, pourquoi ça c'est une question? C'est vrai que vous pas. Elle arrête pas de gueuler, non. On dirait Martinez. Bon, bah ok. La moustache. Elie Semoun entre Caroline Diamant d'un côté et Christina Cordula de l'autre. Oh la vache! Arrêtez les filles, merde! Qu'est-ce qui se passe? Déjà que vous n'avez pas des petites oreilles au départ, il faut dire les choses, Elie. Pardon? Ça y est! Tu vas te dire contre moi, c'est pas possible! Mais c'est dingue ça! Je fais mal à bouffer, j'ai des petites oreilles, je suis tout petit. C'est mytho. Mais je vous emmerde, monsieur Riquet. C'est mounito. Mais non, au contraire, je dis, vous avez des grandes oreilles. Oui, c'est vrai que c'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Pour ta taille, tu as des oreilles très bien, tu vois ce qu'il veut dire. Je suis pas Danny Boone, merde. Non, mais en tout cas, c'est vrai que Dumbo, là, qui est au milieu... Ah oui, si tu fais allusion à la trompe, oui, d'accord, là, je suis d'accord. Ok, là, on est d'accord. Il est quand même difficilement placé entre Caroline et Christina. Vous hurlez, Christina. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas j'ai du coffre, hein, excuse-moi. Nous, les Brésiliens, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Si vous allez au Brésil, voilà, on est vivants. Donc, vous vouliez dire, Christina, que la pelouse marseillaise... Alors, je ne comprends pas pourquoi la pelouse, elle est... Attends, là, ça m'excite trop, là. Dès qu'elle a dit pelouse... Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que vous avez fait sur cette pelouse, monsieur Titoff? Moi, il n'a rien fait, lui. Sur laquelle? À Marseille. Celle de Christina ou non? Celle de Christina, vous en prenez soin de votre pelouse? Oui. Non. Un peu plus que et celle c'est de... Le jardinier. Mais c'est vrai, tu as les cheveux très fournis. Chez moi, la pelouse, elle est toujours verte. J'arrose bien. Vous voyez, ça repose. Tournons-nous vers le jardinier des grosses têtes. Oui. Voilà. Comment une pelouse doit-elle être entretenue pour qu'elle soit parfaite, monsieur Semoun? Montre-nous. Je pense qu'il faut l'arroser déjà. Ah oui. Et puis faut la tondre. Oui, il faut la tondre, enlever les mauvaises herbes. Non, mais c'est vrai que la pelouse marseillaise, quand même. Ah non, là c'est un scandale. Top, c'était une catastrophe. Voilà pourquoi, en tout cas, les rugbymen s'expatrient à Barcelone pour jouer au Camp Nou. Hein. C'est donc le stade carrément. Ouais. Du FC Barcelone, hein, dans lequel ils vont jouer cette finale vendredi prochain. Bravo Jérémy, vous le saviez ou c'est sur internet que vous avez trouvé? Non, je l'ai lu, oui, je l'avais lu déjà. Eh ben voilà, vous êtes un vrai sportif. On attend pas loin de 98 000 spectateurs. Il y aura 80 000 Français dans le stade de Barcelone vendredi prochain pour suivre la finale du top 14. Pour tout vous dire, je sais pas vraiment qui elle va opposer cette finale. Vous le savez, vous? On ne le sait pas encore, de toute façon. Toulon, comme d'habitude. Je sais qu'il y a Montpellier-Toulon. Montpellier-Toulon. Ouais. Et après, je crois que ça va opposer deux des 14 qui étaient là au départ. Et ben voilà une bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo Jérémy, en tout cas vous partez en croisière. Merci. Et en plus de ça, Jérémy, vous repartez aussi avec une centrifugeuse Juice and Smooth offerte par Interpel à l'occasion de la fête des fruits et légumes frais. Peut-être d'ailleurs que vous pourrez l'emmener avec vous à bord, je sais pas. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles ? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Chantier neuf ou réno pour les pros. C'est signé Signat. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne. C'est signé Signat. Des doublages thermiques 100% efficaces pour tous mes chantiers. C'est signé Signat. Cloison, plafond, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. Renaud nous parle de son livre « Comme un enfant perdu ». J'ai enfin trouvé les mots pour dire ma vie, ma colère, mes souffrances. Ces mots, je les ai sur le cœur depuis tant d'années. Des livres sur Renaud, il y en a eu beaucoup. Mais un livre de Renaud, c'est la première fois. À tous ceux qui ont espéré mon retour, j'ai voulu dire l'homme que je suis, ma vérité. Comme un enfant perdu, un livre bouleversant. Un livre XO, numéro 1 des ventes. Carrefour Market. L'autre soir, un copain nous a fait des côtes de porc délicieuses. Sa recette était excellente. Oui, c'est facile, Michel. Il suffit juste d'avoir les bons produits. Jusqu'à demain chez Market, pour deux plateaux de côtes de porc origine France achetée, le moins cher des deux est gratuit. Oh, vous êtes jaloux, vous. Pas du tout. Ouais. Venez faire la cuisine à la maison, alors. Non plus. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Porc côte avec os à griller. Le plateau de 8 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert. Avec ses portes coulissantes main libre, sa navigation connectée, son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette ModuWork et son moteur 2 litres Blue HDI offrant la consommation la plus basse de sa catégorie. Nous comptons sur vous. Professionnel, découvrez le nouveau Peugeot Expert dans le réseau Peugeot. Détails sur peugeotprofessionnel.fr. Jusqu'à 18h, les petites et grandes oreilles écoutent RTL et les grosses têtes de Laurent Ruquier avec Christina Cordula, Caroline Diamant, Roselyne Bachelot, Elise Moon, Jean-Jacques Perroni et Titoff. J'ajoute dans la valise RTL, secrètement, discrètement, mais enfin quand même normalement, les auditeurs devraient m'entendre, un séjour en famille à Vulcania en Auvergne. Vivez le réveil des volcans d'Auvergne, plongez à la découverte des volcans sous-marins, affrontez les éléments déchaînés des créatures légendaires. Vous verrez Anémone à poil. C'est la nouveauté 2016, Abyss Explorer. Allez voir sur www.vulcania.com. Nous vous accueillerons au parc régional des volcans d'Auvergne si vous gagnez la valise RTL. Voilà, j'ajoute à la liste courte pour l'instant de notre nouvelle valise un séjour en famille à Vulcania en Auvergne. Voilà ce qu'il faut noter. Une question pour vous, chère grosse tête, maintenant, et c'est Clotilde Barlet, qui habite Londres, qui espère 300 €. Vient d'être publié chez Actes Sud un livre qui s'appelle « Tout dort paisiblement, sauf l'amour ». Un joli titre. Oh, c'est bien. Tout dort paisiblement, sauf l'amour. Il faut dire que ce titre de Claude Pujat de Renaud a été emprunté à celui dont il raconte l'histoire d'amour avec une jeune femme qui, à l'époque, s'appelait Régine. Elle avait 18 ans. Elle est restée seulement un an avec ce grand homme. Et c'est pourtant cette histoire que raconte Monsieur Pujat de Renaud dans ce livre « Tout dort paisiblement, sauf l'amour ». Avec qui cette jeune femme, éphémère fiancée qui s'appelait Régine, a-t-elle vécu un an ? C'est pas Régine, Régine ? Non, non, non. Est-ce qu'il s'agit... Saint-Exupéry ? Saint-Exupéry, non. Apollinaire ? Apollinaire, non. C'est donc un grand écrivain français. Un grand écrivain... Non mais tais-toi. Pas français. pas français. J'allais dire, s'agit-il d'un étranger ? Vous m'auriez laissé parler, on aurait gagné du temps. Est-ce que c'est un auteur anglo-saxon ? Alors c'est plus qu'un écrivain, hein, soyons clairs. Un poète. Anglo-saxon, non. Poète, non. C'est quoi, est-ce qu'il est un réalisateur ? Réalisateur, non. C'est quoi plus qu'un écrivain ? C'est un politique ? Chanteur ? Chanteur, ah non, non, pas chanteur. Qu'est-ce que vous entendez par plus qu'un écrivain ? J'entends plus qu'un écrivain. Par exemple, plus qu'un écrivain, genre philosophe ? Voilà. Un philosophe. Pas anglo-saxon. Pas anglo-saxon. Latin ? Latin, non. Grec. Grec non plus. Autrichien. C'est joli hein, ce titre. Tout dort paisiblement, ouais. Sauf l'amour. Oui, c'est magnifique. Argentin. Argentin, non. Ah oui. Et c'était un philosophe de quelle période ? Ah, un philosophe, on va dire, du 19e siècle. Mmh. Mais il n'est pas européen. Ah, bah européen, oui. Européen, oui. Il est espagnol. Espagnol, non. On a dit qu'il n'était pas latin. Ah non, pas latin. Attends, mais il n'est pas latin, raconte, il n'est pas anglo-saxon, il est d'où ? Il est d'Europe de l'Est. C'est norvégien. Scandinave. En tout cas, ce ne serait-ce pas ce brave Kierkegaard ? Et c'est bien Søren Kierkegaard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bon, une fois qu'il a dit norvégien. Ouais. Bah, il était danois, alors il était norvégien. Vous voyez. Oui, mais bon, c'est un nom qui sonnait comme ça. Quoi. D'accord, Kierkegaard, mon amour malheureux. Voilà ce qu'avait raconté à l'époque Régine Olsen, qui fut son éphémère fiancée de ce philosophe danois. Elle n'a pas dû rigoler tous les jours, vous me direz. Hein. Ah, vous pensez ? Vous avez lu un peu de Kierkegaard ? Non, j'ai jamais osé, je dois dire, aller jusque-là. Oh, deux pages vous suffiront, on va. Il a quand même publié un livre qui peut peut-être vous intéressé. D'abord, le traité du désespoir. Voilà, déjà c'est ouais, très c'est... rigolo. Hein, vous arrivez, tiens, Ginette, je te offre le traité du désespoir. Oui, ça c'est... Je vais te le lire ce soir avant de nous endormir. Et c'est pour ça qu'après, il fait... Mais il y a quand même le journal... Tout dort paisiblement, sauf l'amour et l'emmerdement. Hein. Le journal du séducteur. Ça, déjà, vous voyez, c'est un peu plus... C'est autobiographique pour Jean-Jacques. Ah, le journal du séducteur. Vous avez lu Kierkegaard, vous, non, Mme j'ai Bachelot. Pas lu Kierkegaard. C'est honnête de le dire, alors que ouais. Titoff a lu l'intégrale, je crois. Non, pas complètement. Deux, trois tomes. Et en danois. Vous avez lu, je suis sûr, vous, Kierkegaard. Non, mais j'ai lu Spinoza. Ah oui, c'est pas mal aussi. Je trouve aussi. Ça magnifique. Et oui, ouais. Vous voyez, voilà. Ouais. Bah, je vais vous très, offrir très le livre. Tout dort paisiblement, sauf l'amour. Avec plaisir, vraiment. Oui, vraiment. 300... Mais à qui vous parlez, à l'auditeur ou à moi? Non, il n'y a pas d'auditeur, donc... Ah bah merde, alors. Ah, quoi okay, que vous avez raison. Plaisir. Non, je ne vais pas vous le donner, vous avez raison. Oh. Je vais le glisser dans la valise RTL. Déteste. Ça fait okay. Un cadeau de plus. Très bien. Dans la valise RTL, je glisse, on va appeler Actes Sud, ils vont nous donner le livre. Et ça, franchement, hein, c'est pas facile à retenir, ouais. Ça. C'est tellement génial, on peut enlever les 1000 euros, j'ai l'impression. Tout dort paisiblement, sauf l'amour. C'est très beau. Notez bien, dans la valise RTL, le livre de Claude Pujade Renaud chez Actes Sud. Tout dort paisiblement, sauf l'amour. Un cadeau de plus dans la valise. Vous aviez entendu parler déjà de Kierkegaard? Non. Ah, oui. Et ça, je serais ravie de le lire. J'ai déjà noté ici. Ouais, oui, mais la pauvre, elle n'était pas en France encore. Mais non. Alors, elle ne connaît pas Dorothée, elle ne connaît pas Kierkegaard, mais quelqu'un connaît. Bah, personne ne connaissait Kierkegaard. Oh, bah, bien alors. Sûr, non. Non, non, non, non. Vous connaissez tous. Roselyne, tout le monde connaît. Ben moi, je connaissais pas. Donc non, mais au Brésil, il est peut-être pas allé jusqu'au Brésil, Kierkegaard. Elle a peut-être raison. Je vais défendre ma pauvre Christina, qui n'a pas la même culture que nous. Elle pourrait vous citer des philosophes brésiliens que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Qui, par exemple? Pelé. Non, pas Pelé. Ronaldinho. Non. Oui, bah, il n'y en a pas, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Mais peut-être qu'on soleil. Magnifique écrivain en Brésil. Comment vous l'écrivez, Kierkegaard? Tiens, ça, c'est intéressant. K-I-R-K-E-G-A-A-R-D. Il manque un E, chère Caroline. K-I-E-R-K-E-G-2-A-R-D. K-I-E-R? Oui. C'est K ou K? Ah, bah, caca, voilà, joueur brésilien. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. Bonjour, c'est Jade. Je ne sais pas ce que vous faites samedi et dimanche de 13h30 à 14h, mais à votre place, j'écouterai Drôle de semaine. Faites-moi confiance, on va rire. Drôle de semaine. Rendez-vous demain à 13h30 pour le meilleur du rire, Made in RTL. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle du sérum de l'été. Vous le savez, le soleil peut entraîner l'apparition de taches. Le sérum éclat anti-tache Inoperfect Caudalie est unique. Grâce à la viniférine, active 62 fois plus efficace que la vitamine C, il est la solution contre les taches. En prévention, avant chaque exposition, appliquez le sérum Vinoperfect sous votre crème solaire pour un bronzage sans taches, quel que soit votre type de peau. En ce moment, pour un sérum Vinoperfect acheté, un soin solaire IP50 offert. En pharmacie et parapharmacie participante dans la limite des stocks disponibles. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. Juste quelqu'un de bien. Grâce à notre opticien Atoll, nos yeux sont bien protégés. Pour l'été, j'ai choisi des lunettes de soleil Polaroid. Et il m'a proposé une deuxième paire à moitié prix. Parfait pour mon fils. Avec mon super opticien Atoll, même pas perdre les rayons du soleil. Même pour des solaires sans correction, confiez votre vue à un professionnel. Les verres polarisants suppriment la réverbération et améliorent les contrastes. Et en ce moment, pour l'achat d'une solaire Polaroid, la deuxième est à moitié prix pour qui vous voulez. Offre jusqu'au 21 juin selon conditions dans les magasins participants. Atoll, mon opticien. Quelqu'un de bien. Ah, quel beau match, Lionel! Ah oui, Baudin tire, essai! L'alerte des scoops spécial frais! Aujourd'hui et demain, la cagette de 5 kg d'abricots Origine France est à 5,29€ chez Netto. Quelle belle alerte discount, Lionel! Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre 35-40, catégorie 2, soit 1,06€ le kilo. RTL, première radio de France. 7h37, la bourse en direct sur RTL avec les Échos et Investir. Bonsoir Sylvie Aubert. Bonsoir Virginie. Mais c'est incroyable, la semaine se termine bien. Vous avez tout à fait raison, c'est incroyable, on a une séance de hausse. La bourse rebondit en effet, plus 0,9%, 4189. Alors, vous le savez, à l'approche des 4100 points, les investisseurs commencent à se demander si ce serait pas intéressant, opportun, fructueux d'effectuer des achats à bon compte. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. De plus, les craintes autour du Brexit se sont un peu apaisées. La campagne autour du référendum britannique a pris, vous le savez, une tournure véritablement dramatique après l'assassinat hier de la députée travailliste Jo Cox. Elle était favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Et ce drame en bourse, eh bien, il alimente le sentiment que l'opinion britannique pourrait peut-être basculer en faveur du maintien comme elle. Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand revient vers zéro. De son côté, le baril de Brent se reprend, $48.59. C'est sa première hausse en 7 jours. Alors du côté des valeurs, les financières, les pétrolières, qui étaient très attaquées pendant les précédentes séances, eh bien, elles se redressent. Par exemple, Vallourec, plus 8%, Société Générale, plus 7%. Alors, sur la semaine, le bilan, malgré le rebond d'aujourd'hui, il est quand même négatif. Le CAC abandonne 2,7%. On a des hausses. Les plus fortes progressions hebdomadaires sont pour Zodiac, plus 6%. Et pour l'opérateur télécom par satellite un peu moins connu, SES, qui gagne 5%. A l'inverse, eh bien, le flop de la semaine, c'est Klépierre, avec un repli de 6%. Très bon week-end, Virginie. Et à lundi. À lundi. Au revoir, Sylvie. Retrouvez tous les meilleurs moments de la semaine des grosses têtes dans le best-of des grosses têtes ce week-end sur RTL, samedi et dimanche, entre 16h et 18h. Ou sinon, vous pouvez les télécharger en podcast sur RTL.fr. Une citation maintenant pour Morgane Kerninon, qui habite Saint-Michel en Lerme, en Vendée, qui a dit « Quand j'écris un roman, j'ai parfois l'impression que je continue à écrire pour connaître la suite ». C'est joli. C'est donc romancier, mais français. Contemporain. Alors, c'est contemporain, c'est français. Et c'est mort ? C'est mort. Merci. Ce ne serait pas Jean Dutour. Ce n'est pas Jean Dutour. C'est un homme. Ce n'est pas un homme. Ah bon ? Donc oui, ça ressemble à une femme, ça. Quand j'écris un roman, j'ai parfois l'impression que je continue à écrire pour connaître la suite. Colette, non. Françoise Sagan. François Sagan. Bonne réponse d'Élie Semoun. Deux secondes avant Titoff. Une autre citation pour Éric Prévost, qui habite Venette, dans l'Oise, qui a dit « Je dormais dans le même lit que mes cinq frères quand j'étais gamin. On a mis 3 ans avant de savoir lequel d'entre nous pissait au lit. » Est-ce que c'est un humoriste américain ? Américain, oui. J'ai fait une partie du boulot, merci de continuer. Jerry Seinfeld, il est vivant. Non, il n'est pas vivant, il est mort à 100 ans. Bob Hope, bonne réponse de Caroline Diamant et Jean-Jacques Perroni. Une autre citation, cette fois, pour Olivier Lefebvre, qui habite Eblingham. Si l'amour est aveugle, pourquoi les femmes aiment-elles s'acheter de la lingerie fine ? Gilbert Montagné. Non. Bon, Sacha Guitry. Non. Ah non, c'est plus récent. Plus récent. Ça date de 1942, mais c'est quelqu'un qui vit encore. C'est un chansonnier. Oh, un chansonnier, non, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Jean-Marc Thibault ? Non, un écrivain, un éditeur français. Il a tenu ou il tient encore une maison d'édition ? Ah, je crois qu'il est encore, je sais pas s'il est directeur de la maison d'édition, mais il a créé, je crois, sa propre maison d'édition. Est-ce que c'est le mari de Christine Angot ? Non, Olivier Orban, non. Voilà. C'est pas Denis Tillinac. Non, il écrit toujours. Pardon. Il écrit. Ah oui, d'ailleurs, il vient de sortir un nouveau recueil, assez drôle. On a dit Jean d'Ormesson. Il a écrit beaucoup de choses très très drôles. Ce n'est pas Jean d'Ormesson. Un écrivain, éditeur français. Je rappelle la phrase. Si l'amour est aveugle, pourquoi les femmes aiment-elles s'acheter de la lingerie fine? Est-ce que c'est pas l'un des monsieur Jardin? Alexandre. Ah, le père Jardin. Le père. Et le père non plus. Son premier vrai best-seller, c'était Sky My Husband, Ciel Mon Mari. Ah oui, comment il s'appelle? Jean-Loup Chifflet. Jean-Loup Chifflet, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh là là. Tu vois, mon petit Titoff, qu'il n'y a pas que pipi caca dans la vie. Une autre citation pour Antoine Bonèche de Calvi, qui a dit « Verser une pension alimentaire, c'est comme donner du foin à un cheval mort. » Alors, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes, visiblement. C'est américain. C'est américain. C'est Groucho Marx. Et c'est Groucho Marx, bonne réponse

chante résiste. C'est pour ça que vous me proposez Jean Moulin, Caroline. Absolument. Mais non, mais comme c'est une chose particulière qui est dans la... Non, enfin, dites pas ça de notre invité mystère. Enfin, ah oui, voyons. Pardon. Non, non. Alors, notre invité mystère, France Gall, ça lui a rappelé bien des souvenirs, n'est-ce pas, invité mystère? Oh oui, oh oui, oui, oui. Est-ce que vous avez... Ah, c'est dédoublé maintenant. Est-ce que vous avez... et Elie Semoun propose Fabien Antoniente. Êtes-vous Fabien Antoniente? Non, forcément. Non, pas du tout. Est-ce que vous aimez bien le rugby? Oh, oui. Est-ce que vous êtes un duo? Non, non, il est tout seul, notre invité dans la loge. Est-ce que vous avez joué au rugby? Non, mais non. J'aimais beaucoup les mêlées. Les quoi? J'aime beaucoup les... Il aimait beaucoup les mêlées. Oui, moi aussi, mais... Vous avez tourné dans des pornos? Oui, voilà, c'est ça, quoi. Voici un autre indice. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. Ah, Dalida, alors évidemment, Caroline Diamant tout de suite me propose Orlando. Êtes-vous Orlando? Oh non! Non, pas Orlando! Avez-vous connu Dalida? Oh oui, oui, oui! Elie Semoun propose Alain Chamfort. Pourquoi Alain Chamfort? Vous avez fait allusion à Michel Berger. Ah non, donc, ce n'est France pas Gall, Alain Chamfort. Mais Caroline c'était... Diamant, elle, a d'ores et déjà, évidemment, reconnu notre invité mystère. Bravo Caroline, c'est la première. Un autre indice pour les autres grosses têtes. Vive le champagne, pagne, pagne, pagne, pagne. Vive le champagne, tous les champs. Vive le champagne, c'est un autre indice que je vous propose. Ça devrait vous mettre sur la piste, ça, tout de même. Est-ce que vous buvez? Oh, oui, oui. Ah bon, c'est un pochetron, alors. Titoff vous a identifié, ils sont deux maintenant. Deux grosses têtes, à savoir ça qui vous, vous êtes. Que je pensais à... Elie Semoun pense, lui, à Christophe Baratier. Oui, je cherche des gens qui ont de Christophe l'actualité. Baratier. Allez, plus facile l'indice suivant. Welcome and bienvenue, welcome in cabaret, au cabaret, to cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ah, bravo, Roselyne Bachelot, vous avez identifié notre invité mystère, alors que Elie Semoun propose Régine. Êtes-vous Régine? Alors j'ai une tournée vers Titoff, vers Roselyne Bachelot et vers Caroline Diamant. Bon, Christina, elle a une excuse si elle ne connaît pas notre invité. Moi, j'en ai aucune. Mais Elie Semoun et Jean-Jacques Perroni, non, quand même. Non, alors qu'en plus, je suis sûr que vous êtes allé très très souvent chez notre invité mystère. C'est Michou. Michou, ah, évidemment. Oui, c'est ça, pas plus. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modiwork et profiter de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 euros par mois. Garantie assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur PeugeotWebStorePro.com. Oh, oh. Et si on regardait 8 matchs de l'UEFA Euro 2016 en Ultra HD sur TF1 et M6? Moi, hier soir, avec l'Ultra HD d'Orange, j'ai clairement vu que l'attaquant avait marqué avec la main. Moi, avec l'Ultra HD d'Orange, j'ai même vu que c'était avec l'annulaire. Et t'as remarqué qu'il avait une French manucure? Bizarre pour un joueur allemand. Ouais. 8 matchs de l'UEFA Euro 2016 en Ultra HD sur TF1 et M6 en exclusivité avec la nouvelle Livebox. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions en France métropolitaine sous réserve d'éligibilité avec offre fibre et téléviseur compatible. Conditions sur orange.fr. Les bons plans au champ, c'est maintenant. Camille et les cerises, c'est une grande histoire d'amour. Chaque année, elle attend la saison avec impatience. De délicieuses cerises sucrées et parfumées, il me tarde d'en manger. Et nature, c'est comme ça que je les préfère. Eh bien justement Camille, jusqu'à demain chez Auchan, les cerises Origine France sont à 4,99€ le kilo. Ah, de belles cerises rouges et charnues à 4,99€ le kilo, je vais me régaler. Auchan, la vie que j'aime. Calibre 24-26, catégorie 1. C'est la suite et c'est la fin des grosses têtes de Laurent Ruquier qui seront rejoints par leur invité mystère d'ici quelques secondes. Juste le temps de vous annoncer qu'à 18h, dans RTL Soir, Bernard Poirette vous présentera toute l'actualité de ce vendredi. Ses deux invités seront l'économiste Alain Minc, pour ses réactions sur l'article 2 de la loi du travail ou encore le Brexit. Et puis, deuxième invité, la comédienne Lola Devers pour la pièce Une folie de Sacha Guitry, mise en scène par Francis Huster au théâtre Rive Gauche à Paris. Et pour le moment, c'est à vous, Laurent Ruquier. Michou était bien notre invité mystère. Et pourquoi Michou? Parce que demain... Roselyne, tu es bien rose. Ah oui, oui, on a c'est pour toi. On a Michou en bleu d'un côté et Roselyne en rose de l'autre. On dirait un perroquet géant, en fait. Moi, je vais vous dire pourquoi en bleu. J'ai rencontré... un schtroumpf fort sympathique. Et il a déteint. Bon, écoutez, en tout cas, Michou fête, il faut le dire quand même, l'anniversaire de son cabaret. Ce sera vraiment un événement incroyable le 13 juillet prochain, puisque vous fêterez les 60 ans de chez Michou. Et vous-même, vous fêtez demain, samedi 18 juin, vos 85 ans, Michou. Mais non. Incroyable. Dites-moi, je ne parais pas, c'est tout. Voilà, merci. Les 85 ans de Michou. Eh bien, j'enterre avec vous, là, mes 84 ans. Et je vous dis merci, votre beau sourire, votre amitié. Merci à vous tous. Alors, il n'y a que lui qui voit, là, et pour moi. Ah, ouais. Mais Péroni, je t'ai reconnu, quand même. Permets-moi d'être discret. Oui, mais enfin, le jeu, c'est pas que vous reconnaissiez Péroni, Michou. C'est l'inverse, voyez-vous. Parce que, attendez, vous êtes discret, vous voulez dire que Péroni est venu souvent chez Michou? Pas assez. J'aimerais savoir s'il y a une Roselyne Bachelot chez Michou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait Roselyne Bachelot? On peut pas. Roselyne a tellement, tellement de... imiter déjà son beau sourire, ça va être difficile. Ah bah, il y a Chantal là-dessous, alors il pourrait y avoir Roselyne Bachelot. Ah, mais c'est vrai qu'il a Il pense que c'est moi. Chantal. Mais non, c'est pas elle, c'est Caroline, ça. C'est nous, je suis, moi. Elle imite Chantal là-dessous, mais elle n'y arrive pas vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a, Michou? Bon anniversaire. Et Christina Cordula, qui est à vos côtés, vous la connaissez, Michou? Et tu me reconnais pas? C'est moi, Laurent Baffy. Christina Cordula, vous connaissiez Michou? Bien sûr, moi je connais, bien Menteur, sûr, j'adore. C'est vrai, attends, je suis brésilienne, vous savez. Eh oui. Alors, moi j'aime beaucoup c'est ce genre. C'est un peu l'ambassade du Brésil, Michou. J'ai beaucoup de... Quand il y a un souci, quand quelqu'un perd un passeport... Non, je ne vais pas au bois. Je trouve que le show des transformistes, c'est super. Avez sur scène aujourd'hui, Michou, à part Chantal là-dessous, quelles sont les vedettes qui sont présentes sur scène grâce à vos transformistes actuellement pour le 60e anniversaire du cabaret? Eh bien, il y a Céline Dion qui marche très fort, puis le petit Chantal Goya, bien sûr. Chantal Goya est toujours là. Non mais là, c'est vraiment Chantal Goya, je crois. Et il y a Stromae, bien. Stromae? Ça alors? Ah oui, il fallait bien un homme dans la troupe. Ça s'est modernisé alors. Stromae, donc chez Michou. Et c'est un homme? C'est Zaz. Zaz. Zaz. Avec la tarte au poil? Oh, Roselyne, quand alors, même. Zaz, je l'avais préparé comme indice. Vous allez comprendre pourquoi j'avais préparé Zaz. Écoutez. Les escaliers. Ah, bah oui, évidemment. La complainte de la butte, chantée par Zaz, c'est vrai que vous êtes un peu, non pas l'ambassadeur du Brésil, comme on l'a dit bêtement, mais l'ambassadeur de Montmartre, monsieur Michou. Merci, monsieur Riquet. Ah bah oui, Montmartre. Montmartre sans Michou, ce n'est plus Montmartre. Oui, vous savez, j'arrive à Paris, un petit provincial, je suis arrivé à Montmartre, qui est ce merveilleux village que j'ai jamais quitté. Il y a maintenant 60 ans de cabaret et 72 ans, je suis à Montmartre. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous êtes arrivé en 62 à Paris, non, en imitant et en travestissant France Gall, d'où le premier indice. Quand vous vous étiez travesti, vous faisiez France Gall, Michou. Oui, mais après, j'ai fait un personnage extraordinaire quand même aussi. Parce que paraît-il que j'avais jolies fesses et j'ai fait Brigitte Bardot pendant quelques années quand même. Ah, ah oui, c'est vrai. Mais vous pouvez encore la faire aujourd'hui. Mon cher Ruquier, je sais ce qu'il va dire. Maintenant, tu as aussi les mêmes fesses. Voilà. On avait compris. Il fait beaucoup trop jeune. Voilà. Rosine, évidemment. Moi, j'ai encore jamais mis les pieds. Il faut vraiment qu'on y arrive. Je suis allé chez Michou. Faut que j'y aille un jour chez Michou. Pas quand même que pour pas mourir idiot. Tu es jamais allé chez Michou. Jamais, jamais de ma vie. Il faut vraiment qu'on organise ça. Et vous êtes déjà invité. Bon, grand anniversaire. Je sais, vous m'avez invité, mais vous savez, voilà ce que c'est. Je suis quelqu'un de timide et puis ce genre de choses. On va vous déshabiller à l'entrée quand même. Vous savez ce que c'est, je suis pudique, ça me choque. Bah, il y a la messe, il y a les vêpres, il y a tout ça, quoi. Est-ce que je peux dire un tout petit mot? Mais bien sûr, monsieur Michou. Pour mon anniversaire, j'ai une dame fort sympathique, c'est mademoiselle Annie Cordy. Et oui, Annie Cordy chante avec vous pour l'anniversaire du cabaret, c'est bien ça? On a fait un très beau duo. Annie et moi. Ça s'appelle 85% d'amour et 60 ans de cabaret. Et on a fait ça tous les deux, uniquement pour les vacances des petits poulbeaaux de Montmartre. Ah, oh, bravo. Voilà. On a un extrait. 85% d'amour et 60 ans de cabaret. J'ai des souvenirs à l'appel. La vie, l'amour et les copains. Et d'aller chez madame Adèle. Si mon papy t'en fait des siennes. Ton sacré cœur nous fait du bien. 85% d'amour. Viens chez Michou. Annie Cordy et Michou, 85% d'amour et 60 ans de cabaret. Et c'est vrai quand même que c'est quand même formidable de fêter ses 85 ans demain. Magnifique. Roselyne, vous êtes souvent allée chez Michou, j'en suis sûr. Je ne suis pas allée souvent, mais je suis allée chez Michou. Vous avez emmené Alain Juppé déjà chez Michou? Non, mais il en aurait besoin, je pense. Merci en tout cas d'être venu nous voir, Michou. Bon anniversaire pour vos 85 ans. À vous et au cabaret. Et bon week-end sur RTL. RTL, première radio de France. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui, plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL, il est 18h. RTL Soir, le 18h, Céline Landreau, Bernard Poirette. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Soir, soit 2 heures d'information et de débat, notamment avec les polémistes dont refait le monde dès 19h15. L'essentiel de l'actualité de ce vendredi 17 juin, avec pour la première édition Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. La Russie, Abala, le djihadiste qui a tué le policier Jean-Baptiste Salvin et sa compagne lundi soir, avait des liens avec Sid Ahmed Glam, le terroriste de Villejuif. C'est une information RTL. Le jeune djihadiste n'aurait finalement pas le profil du loup solitaire. François Hollande, lui, a rendu un hommage solennel aujourd'hui à ses deux victimes. La Société Générale en passe d'être désavouée une deuxième fois dans le dossier Kerviel. La justice pourrait rejeter sa demande de dommages et intérêts, près de 5 milliards d'euros. Une rencontre, mais pas d'accord entre Philippe Martinez et Myriam El Khomri. La loi travail fait toujours débat entre la CGT et le gouvernement. Nous en parlerons plus longuement à 18h20 avec le conseiller économique et politique Alain Minc, qui est l'invité de RTL Soir. Alain Minc, très remonté contre le fameux article 2 du projet de loi El Khomri. Pas de bannière russe pour l'athlétisme aux Jeux Olympiques de Rio. La fédération est suspendue à cause du dopage. Et puis la Bourse de Paris en hausse ce soir de 0,98% à 4193 points. À la fin du journal, la question de l'actualité bientôt sans doute sur les vitrines des restaurants. L'indication officielle du niveau d'hygiène de l'établissement dûment contrôlé. Comment cela va-t-il fonctionner? Ensuite, les coulisses de l'exposition du Quai Branly, Jacques Chirac ou le dialogue des cultures ou la passion de l'ancien président pour les arts premiers. Ça ouvre dans 4 jours. Monique Younes l'a déjà visité pour RTL. 18h30, Alain Duhamel et la gauche politique française en miettes, selon le sondage RTL Le Figaro LCI de ce matin. Et puis notre deuxième invitée, Lola Devers, fille de Patrick Devers. Elle a 36 ans. Elle est actrice depuis seulement 6 ans. Et ça promet, car elle est excellente dans la pièce de Sacha Guitry, Une folie, qu'on peut voir actuellement au théâtre Rive Gauche à Paris. Au-delà, il y aura Laurent Gérard et tout de suite la météo. Patricia Charbonnier, bonsoir. Bonsoir. Patricia, demain, ce sera encore très instable avec des averses et de la fraîcheur. Oui, avec une nouvelle dégradation dès demain matin dans le sud-ouest jusqu'au Massif central. Donc dans toute cette zone, encore des averses localement fortes. Et dans l'après-midi, ces averses vont gagner encore une fois une bonne partie du pays. Elles seront plus marquées, parfois orageuses, sur la moitié est du pays, en particulier entre les Alpes et la Côte d'Azur. À l'inverse, petite amélioration prévue demain après-midi par le nord-ouest du pays, avec le retour des éclaircies, mais toujours de la fraîcheur. 8 à 16 degrés seulement pour demain matin. 15 à 25 dans l'après-midi, 15 à Aurillac, 18 à Lille, 19 à Paris, 20 à Bordeaux, 25 à Bastia. Merci Patricia. RTL Soir. La Rossi Abala, le tueur de Magnanville, n'était peut-être pas ce qu'on a appelé un peu vite, sans doute, un loup solitaire. Lundi dernier, le djihadiste assassinait le policier Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider chez eux, avant d'être abattu lors de l'assaut du raid. La Rossi Abala était connue des services de police, suivie par les renseignements. Damien Delceni, bonsoir. Bonsoir. Vous avez consulté en exclusivité pour RTL des documents internes qui prouvent que des policiers locaux avaient établi un lien entre la Rossi Abala et Sid Ahmed Glam, le terroriste présumé de Villejuif. Exactement. Fin avril 2015, quelques jours seulement après l'attentat raté de Glam contre une église de Villejuif, des policiers des Yvelines signalent à leur hiérarchie que le dénommé la Rossi Abala a été vu au volant d'un véhicule utilitaire appartenant à un complice de Glam qui vient lui-même d'être arrêté à Mantes-la-Jolie. Dans ses notes de renseignement, le profil d'Abala et ses antécédents sont rappelés. Le rédacteur mentionne même qu'il a le profil d'un individu pouvant passer à l'acte et ajoute que le fait de le voir rouler dans le fourgon d'un homme qui vient d'être arrêté pour le projet d'attentat de Villejuif ne peut pas être une coïncidence. En novembre 2015, une nouvelle note de renseignement est rédigée. Il y est de nouveau question d'Abala et de la mouvance radicale locale, notamment de Sharaf Din Aberouz, condamné comme Abala dans la filière du Pakistan en 2013 et placé en garde à vue depuis mardi dernier dans l'enquête sur l'assassinat du couple de policiers. Ces deux notes ont été transmises aux enquêteurs cette semaine. Elles démontrent les liens qui peuvent exister entre les différentes cellules terroristes qui opèrent en France. Et elles démontrent une fois de plus que depuis plus d'un an, Abala a été suivi, mais sans être une cible prioritaire des services de renseignement. Révélation RTL signée Damien Delceni, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, deux héros du quotidien auxquels François Hollande a rendu hommage ce matin. Les deux victimes de la Rossi Abala ont été décorées de la Légion d'honneur à titre posthume. Une cérémonie solennelle où se sont mêlées émotion et amertume, Guillaume Chiez. Oui, les deux cercueils de Jessica et Jean-Baptiste au milieu de la cour de la préfecture des Yvelines, tout autour la famille, mais aussi les collègues des deux fonctionnaires. Émus aux larmes,